devant cette table avec les œufs. Il les attrape, il les jette à leur tour. L'un des deux se déchaîne même, enchaînant les lancers. Et puis une dame s'y met également. Oh bah je vais y aller moi. Oh putain oui. Et voilà, et la scène dure encore quelques minutes sur cette vidéo. Et voilà, moi j'ai pas encore compris où vous nous emmeniez. Alors cet homme s'appelle Jérémy Pugeot, c'est un artiste qui effectue cet exercice périlleux depuis plusieurs années, avec à chaque fois ce même déroulé, des hésitations, puis un passant qui se décide, entraînant les autres. Les performances ne démontrent pas autre chose, dit la Charente Libre, qui a publié cette vidéo, rien d'autre que la facilité avec laquelle on perd notre libre arbitre devant la pression du groupe. Jérémy Pugeot explique que depuis qu'il fait cette expérience, de temps en temps tout de même se dresse un héros, entre guillemets, une voix qui va s'opposer, un geste qui vient protéger, mais c'est assez rare. Alors ajoutons un élément assez troublant qu'on voit sur cette vidéo, c'est une voiture de police qui passe juste à côté de cette scène, de ces lancers d'œufs, et bien cette voiture poursuit son chemin. Une vidéo donc à voir, elle est sur le site de la Charente Libre, charentelibre.fr. À lire également, et c'est dans le Figaro, la guerre oubliée de Fallujah qui menace l'Irak. Fallujah, c'est cette ville d'Irak à l'ouest de Bagdad qui avait été le fief de la résistance aux Américains durant la guerre en 2004, et aujourd'hui elle est aux mains des miliciens de l'État islamique de l'Irak et du Levant, ce mouvement radical qui fait régner un régime des plus durs. Cela rappelle l'Afghanistan des talibans, interdiction de fumer dans les rues, interdiction pour un homme de servir une femme dans un magasin. Les djihadistes imposent via leurs tribunaux la vision la plus rigoriste de la charia, explique Georges Malbruno. Bilan, en 4 mois, 70 000 habitants ont fui. Il ne reste sur place qu'environ 150 000 personnes sur une ville qui en a compté 400 000. L'armée irakienne a bien tenté de reprendre les lieux, mais sans succès. Alors elle se contente d'incursions, de largage de bombes, de barils remplis d'explosifs. Les rebelles islamistes sont à l'offensive, ils gagnent du terrain. Leur but, instaurer depuis Fallujah jusqu'à la frontière syrienne un état autonome, un califat qui s'étendra donc sur plus de 1000 kilomètres. On reste dans cette même région avec des Saoudiens qui embrassent leurs chameaux. C'est un tout autre genre, évidemment. Depuis plusieurs jours, fleurissent sur Twitter et autres réseaux sociaux des images, des vidéos d'hommes qui étreignent ou embrassent leurs chameaux. Un geste pas très ragoûtant, mais geste de défi face à la propagation du coronavirus, ce vecteur de maladie mortelle dont ces animaux sont soupçonnés être un réservoir. C'est en Arabie Saoudite, pays où vivent 900 000 chameaux, que ce virus a été détecté pour la première fois. C'était en 2012. Cette semaine, raconte le Washington Post, le gouvernement Riyad a lancé une campagne pour mettre en garde contre la consommation de viande ou de lait frais de chameaux qui pourraient transporter le virus. Et c'est en partie contre cela que des éleveurs, des bédouins, s'insurgent via ce geste symbolique, un baiser. Pour ces hommes, toucher au chameau, c'est comme toucher à la vache sacrée. S'en éloigner, c'est un peu comme si on vous disait de mettre votre joli toutou, votre adorable minou dehors. Dans le pays, en plus, l'animal est aussi une source importante de revenus. Alors peu importe les recommandations des autorités, d'autant plus qu'elles sont soupçonnées d'exagérer les risques. Les élections européennes, le scrutin, on le sait, a lieu ce dimanche. Nous sommes, nous, en opération spéciale pendant toute cette semaine sur France Info avec des questions qui fâchent au sujet de l'Europe. La Croix termine cette semaine sa série de reportages « Quelle Europe voulons-nous ?» en partenariat donc avec La Croix, nous aussi, depuis un certain temps, dans cette thématique « La démocratie inachevée ». Et bonjour Marianne Meunier. Bonjour. Journaliste donc à La Croix. La démocratie inachevée, cette impression que dans l'Union, la loi, les textes, les orientations, tout se décide finalement très loin des peuples. C'est un sentiment en fait qu'on retrouve à travers tous les pays quasiment de l'Union. Par exemple au Danemark, qui fait l'objet de l'un de vos reportages cette semaine. Oui, effectivement, le Danemark est un pays qui se caractérise vraiment par son euroscepticisme, un peu comme la Grande-Bretagne, qui... dès 1992 a voté contre Maastricht, en 2000 a voté contre l'euro, et où en fait il reste une grande méfiance, sinon une grande défiance des Danois à l'égard des institutions européennes, parce qu'ils jugent que leurs propres institutions nationales sont probablement plus démocratiques que les institutions européennes et que leur propre voix est moins entendue à Bruxelles que à Copenhague. Donc c'est ce sentiment qu'on est allé essayer d'explorer au Danemark. Et les Danois veulent en fait protéger leurs valeurs, leur modèle fait de protection de l'environnement, d'une position de médiateur souvent dans les relations internationales. Et c'est ce modèle qu'ils entendent protéger des valeurs européennes qu'ils jugent différentes et menaçantes pour leur propre démocratie. Alors c'est un reportage qui sera à lire jeudi dans La Croix. Aujourd'hui, pour cette première page autour de cette thématique, la démocratie inachevée, vous revenez sur la crise de l'euro qui a fait que les États, la banque centrale ont repris la main, laissant finalement le Parlement un peu à la marge, alors que c'est normalement là l'instance démocratique en tant que telle. C'est-à-dire que avec la crise de l'euro, en voulant résoudre une crise économique, politique, on a aggravé une crise démocratique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des institutions indépendantes comme la Banque Centrale Européenne ou la Cour de Justice de l'Union Européenne qui ont pris de plus en plus de poids. Également l'Allemagne et à un moment la France jusqu'en 2012, effectivement, ont joué un rôle grandissant dans la résolution de cette crise. Je dirais pas au détriment du Parlement européen, parce que le Parlement aussi s'est montré très actif en votant un certain nombre de textes qui permettent d'améliorer la gouvernance économique. Mais en tout cas, sur le devant de la scène, ce sont les États qu'on a vus. Le Parlement, lui, a mené, comme souvent, un rôle de l'ombre. Mais il abat, cela dit, un travail colossal que les citoyens le plus souvent ignorent, comme en témoignent les taux de participation qui tournent en général aux alentours de 40%. La démocratie inachevée. Donc, dernière thématique dans La Croix à découvrir toute cette semaine, reportage et interview. Merci, Marianne Meunier, d'être venue en direct sur France Info. Merci. France Info. La Minute Média. Et la Minute Média ce lundi avec une nouvelle série, c'est sur TF1. Résistance, série qui suit le parcours de trois jeunes Français qui décident de lutter contre l'occupation allemande, Deuxième Guerre mondiale. Des adolescents qui vont brutalement entrer dans l'âge adulte. César Dombois incarne l'un de ces jeunes résistants. On devrait se battre pour que la fin de cette guerre arrive vite. Et comment tu veux faire ? Moins on a d'attache, plus on se bouge. Moins on a à perdre, plus on se risque. Je me suis dit que s'il risquait sa vie pour son pays, je pouvais faire pareil. Je crois que ce qu'il y a d'intéressant avec René, c'est qu'il est dans un paradoxe. En fait, il est vraiment un petit gars qui sort de l'adolescence pour devenir un homme. Et du coup, il y a plein de choses qui se mélangent chez lui. Il est très spontané et très insouciant. Et d'un autre côté, il est très protecteur et il est très conscient politiquement. Il s'appelle de la résistance, mademoiselle. Non, c'est du patriotisme. Mais t'es tout petit, toi, pour jouer au grand, t'as quel âge ? Là, je n'ai jamais arrêté les balles. Voilà, moi, c'est le plus beau rôle que j'ai eu à jouer jusque-là. Ça me plaisait de raconter une histoire vraie, soit, mais surtout qui ait eu un impact aussi important sur l'histoire de notre pays. J'avais le sentiment qu'il fallait qu'on rende hommage ou qu'on rende quelque chose, quoi, voilà, à ceux qui s'étaient battus. Résistance, une série en 6 épisodes, c'est à partir de ce soir, donc 20h50 sur TF1. Et puis notez que le créateur de la série, Dan Frank, sera l'invité d'Infomédia ce soir sur France Info en direct à 18h50. Olivier Aymon, merci beaucoup, on va parler régime dans une poignée de secondes. Vous avez créé ou souhaitez créer votre entreprise dans un quartier prioritaire ? Quel que soit votre âge, votre profil ou votre région d'origine, donnez un coup d'accélérateur à votre projet en participant au concours Talents des Cités. Plus de 150 000 euros de dotation à gagner et une campagne de communication offerte. Inscription avant le 31 mai sur talentsdescités.com. France Info, le 8-10, Fabienne Saint-Pès. Que celui, que celle qui n'a jamais décidé de se mettre au régime jette la première, j'allais dire la première pierre, disons plutôt la première barre de chocolat, puisque c'est lundi, on commence ce matin, c'est le feuilleton de France Info jusqu'à vendredi. Et ce matin, voici Félicia, une femme yo-yo, comme on dit, qui passe sa vie à maigrir et puis à regrossir. Le reportage est signé Cécilia Arbonin. C'est une formule que tous ceux qui ont des problèmes de poids utilisent dans leur combat. Ça y est, j'ai eu le déclic. Et ce fameux déclic, Félicia, 43 ans, vient de l'avoir pour la énième fois. Au gré des régimes, je prends du poids, je maigris beaucoup et je reprends encore plus. Ça me pourrit la vie, ça me pourrit la vie physiquement, ça me fatigue. Les régimes ont beaucoup été au départ des régimes à base de protéines. Après, j'ai essayé différentes méthodes, une diététicienne, un nutritionniste. Deux fois de suite, j'ai fait avec un psy aussi. Ce que j'essaye en ce moment, c'est l'hypnothérapie. Ignorant le soleil et la chaleur à Paris, Félicia, chef de projet dans une banque, part travailler en tenue camouflage. Liquette ample et pantalon fluide, tout est noir, car elle le sait, elle a changé de catégorie sur la balance. Là, je suis montée à 90 kilos pour 1m65, donc c'est une situation obèse, on va dire. Enfin, c'est obèse. T'avais un mot pour les parents ou pas ? Non. Et les enfants, les enfants disent que je suis grosse, enfin ouvertement. Voilà, alors parfois quand on est en public, je leur dis non, ça vous dites pas que je suis grosse, prenez l'habitude, vous me le dites, mais pas aux autres. Son petit garçon de 7 ans a bien retenu la leçon. Je la vois un petit peu manger, elle mange un peu trop de chocolat, je lui dis rien, parce que j'ai rien à lui dire. Je mange en me disant arrête, arrête, mais je continue. Et toujours à me dire c'est pas bien, c'est pas bien, à me dire parfois bien fait pour toi. Et toi, tu t'es lavé les dents ? Le rapport à la nourriture, au manger, relève du religieux pour le docteur Christophe Bagot, psychiatre et psychothérapeute. Je pense qu'être au régime, c'est quelque chose de quasiment sacrificiel. Je fais le parallèle entre prier et être à la diète. Je pense qu'autrefois, devant une incertitude de la vie, on priait. Maintenant, on se met à la diète parce qu'on pense qu'on sera plus beau et qu'on aura une vie sans doute plus heureuse. La folie des régimes à 2 mois des grandes vacances inquiète le médecin. Parce que je sais que c'est un cercle vicieux, que je considère que c'est un marché, ce que j'appellerais le marché du yo-yo. Des entreprises et des gens, quelquefois des confrères, qui gagnent leur vie en surfant sur les yo-yo qu'ils font faire à des personnes qui sont pas à l'aise dans leur corps. Comme chaque année, Félicia et sa famille vont passer l'été en Corse. Mais cette fois, elle sait qu'elle n'aura pas fondu d'ici là. Je suis déformée par rapport à ce que j'étais. Je vois bien dans le regard de la famille que ça leur fait de la peine. Bon, là-dessus, au niveau du maillot de bain, je le sais, ce ne sera pas cet été, mais c'est pas grave. C'est peut-être ça, le déclic, accepter de mincir tranquillement, sans s'imposer de défis qui rendent malheureux. Cécilia Arbonin, France Info. Et merci de passer cette matinée avec nous. On entre dans la deuxième demi-heure, la dernière demi-heure de ce 8-10. Doit-on aimer ou détester l'euro? Doit-on en sortir, comme le suggèrent certains partis? Peut-on en sortir? Question posée, c'est juste après le journal dans Un Monde d'Idées, 10h20, à l'économiste Daniel Cohen. Et puis 10h le quart, Jérôme Kerviel, désormais arrêté, héros ou escroc. Deux invités pour en parler avec nous. À tout de suite. France Info, vivons bien informés. Il est 9h30. Et voici Simon Le Baron pour le journal. Dominique Strauss-Kahn va porter plainte d'ici quelques jours contre le film Welcome to New York, son avocat l'annonce ce matin. Ce film, avec Gérard Depardieu dans le rôle principal, s'inspire de l'affaire du Sofitel de New York. Il a été projeté samedi soir en marge du Festival de Cannes et mis en ligne en vidéo à la demande sur Internet. Anne Sinclair, l'ex-épouse de DSK, a décidé quant à elle de ne pas porter plainte. Elle a publié un billet sur son blog où la journaliste exprime son dégoût. Bertrand Queneut. Le mot dégoût apparaît 5 fois dans une tribune d'une 15aine de lignes publiée sur son blog du site internet le Huffington Post. Anne Sinclair est dégoûtée d'abord par la façon dont le réalisateur Abel Ferrara représente les femmes, ce qui doit illustrer selon elle ses propres pulsions. Ensuite par son fantasme sur l'argent et sur les juifs. Anne Sinclair dénonce des attaques clairement antisémites contre les siens, les allusions à sa famille pendant la guerre, dégradantes et diffamatoires, écrit-elle. Elle ajoute « Mon grand-père a été déchu de sa nationalité française par Vichy. Mon père a rejoint la France libre. Je ne pensais pas avoir à les défendre aujourd'hui. Pour autant, Anne Sinclair n'attaquera pas la production du film. Je n'attaque pas la saleté, je la vomis », conclut-elle. L'ancienne épouse de DSK ne sort du silence que pour la seconde fois depuis l'affaire du Sofitel. La première, c'était il y a quelques semaines, dans un portrait que France 2 lui avait consacré. Anne Sinclair nous a confié qu'elle ne souhaitait pas s'exprimer davantage. Bertrand Queneut, si vous êtes concerné par la réduction d'impôts annoncée la semaine dernière par Manuel Valls, sachez que vous pourrez en bénéficier jusqu'en 2017. Le ministre des Finances, Michel Sapin, assure que la mesure s'appliquera dès cette année et pour les 3 années suivantes. Ce geste fiscal doit permettre à 1 800 000 foyers de sortir de l'impôt sur le revenu. Le rôle des beaux-parents pourrait bientôt être reconnu, même symboliquement. La proposition de loi sur l'autorité parentale et l'intérêt de l'enfant est examinée aujourd'hui par les députés. Le texte prévoit de nouveaux droits pour les beaux-parents, aller chercher l'enfant à l'école, signer son carnet de notes ou l'amener chez le médecin par exemple. En tout cas, si les deux parents sont d'accord. En France, 1 million d'enfants vivent dans des familles recomposées. Eux pensaient s'être perdus à jamais. France Info vous propose de vivre ce matin des retrouvailles exceptionnelles. C'est l'histoire d'une mère congolaise. Au terme d'un long périple à travers l'Afrique, elle a tenté, comme des milliers de migrants, de fuir dans des bateaux pour l'Europe. C'était en 2012. Un moment terrible, car au cours de cet exode, elle a perdu de vue son petit garçon de 5 ans. Et bien 2 ans plus tard, la mère et l'enfant viennent de se retrouver. Cela s'est passé à l'aéroport d'Orly. Mathilde Lemaire y était. C'est sur une plage du Maroc que Khadija a été séparée de son fils Ridji. Elle était enceinte, épuisée. Dans le groupe de migrants dans lequel elle était, un homme a porté son petit garçon pour la soulager. Puis elle les a perdus de vue dans la nuit. Eux ont embarqué, elle a été arrêtée. Ce n'est que 2 ans plus tard, alors qu'elle vit en France, que les retrouvailles sont possibles. À Orly, des agents de la Croix-Rouge sont allés chercher l'enfant en Espagne où il a vécu dans un foyer pour mineurs pendant tout ce temps. Les portes s'ouvrent, Ridji court vers sa mère, bouleversée. Ce sont des larmes de joie. Avant, c'était les larmes et les tristesses. Enfin, j'ai récupéré mon fils. C'est la fin des cauchemars. Pour moi, aujourd'hui, ma vie commence. C'est le service de rétablissement des liens familiaux de la Croix-Rouge qui a multiplié les démarches, produit les tests ADN de Khadija et son fils pour prouver leurs liens et les réunir. Ridji, 7 ans aujourd'hui, ne parle plus français, mais espagnol. Je suis content de voir ma mère. C'est un grand jour. Ma mère m'a serré fort contre son cœur. Maintenant, je veux aller à l'école et jouer au foot. Le petit garçon doit réapprendre le français et faire connaissance avec sa petite sœur née pendant cette séparation. Tous trois vont vivre dans une chambre d'hôtel en banlieue. À l'étroit, mais désormais réunis. Le reportage de Mathilde Lemaire. Jérôme Kerviel est en ce moment au palais de justice de Nice. L'ancien trader de la Société Générale a été transféré ce matin du commissariat de Menton où il a passé la nuit. Il avait été arrêté à minuit par des policiers français juste après avoir franchi la frontière franco-italienne. Alors Sophie Parmentier, Jérôme Kerviel doit purger une peine de 3 ans de prison ferme. Qu'est-ce qui attend maintenant l'ex-trader? Alors Jérôme Kerviel se trouve en ce moment dans le bureau du procureur de la République de Nice. C'est la procédure normale. C'est ce qui était prévu après sa nuit passée au commissariat de Menton, ce commissariat où Jérôme Kerviel aurait dû se rendre de lui-même avant minuit et où il a finalement été amené menottes au poignet peu après minuit. Dans ce commissariat, Jérôme Kerviel a passé la nuit en rétention. Il n'a pas été placé en garde à vue puisque dans son cas, il n'y a plus d'enquête à faire. L'ex-trader de la Société Générale a été condamné 3 fois et sa condamnation à 5 ans de prison, dont 3 ans ferme, a été confirmée par la Cour de cassation. Elle est donc devenue définitive et il n'était plus question de l'interroger pour les policiers, simplement de vérifier son identité, ce qui a été assez rapide. Jérôme Kerviel a quitté le commissariat peu après 8 heures, sans menottes, en faisant un petit sourire à son comité de soutien qui avait organisé un sit-in. Le voilà donc maintenant devant le procureur de la République de Nice qui vient d'ordonner son incarcération à la maison d'arrêt de Nice. Jérôme Kerviel pourra ensuite demander son transfert vers une autre prison. Les précisions de Sophie Parmentier. Un terrible accident de la route en Colombie. 31 enfants sont morts brûlés vifs. L'autocar qui les transportait a pris feu. Cela s'est passé dans le nord du pays. 24 autres enfants sont grièvement blessés. On ne connaît pas encore les causes de l'accident. Des dizaines de villes sont toujours sous les eaux dans les Balkans. Au moins 44 personnes sont mortes, notamment en Bosnie et en Serbie. Les intempéries menacent désormais une centrale thermique qui produit la moitié de l'électricité de Serbie. Les élections européennes, c'est dans 6 jours et nous vous proposons de vivre avec nous une semaine spéciale sur France Info avec 5 questions qui fâchent. La première ce matin, faut-il aimer ou détester l'Europe? Direction l'Italie, dans ce pays fondateur de l'Union, on a toujours été très europhile, mais depuis la crise de l'euro, le pays souffre de la rigueur imposée par Bruxelles, le chômage est de presque 13%. Alors quel est aujourd'hui le sentiment des Italiens vis-à-vis de l'Europe? Le reportage à Rome de notre correspondante sur place, Anaïs Feuga. 60 ans d'amour pour l'Europe qui finissent par s'émousser. Pour la première fois cette année, moins de la moitié des Italiens se sentent européens. La confiance dans l'Europe a chuté de 12 points en un an, alors que l'année dernière, les Italiens étaient encore parmi les plus europhiles, explique Jean-Pierre Darnis de l'Institut des Affaires Internationales de Rome. Ils ont une définition nationale très pessimiste, donc comme ils considèrent souvent que leur pays fonctionne très mal, ils disent « ça marche mieux ailleurs ». Et le « ailleurs », c'est aussi les institutions européennes. Cette respiration européenne en Italie est beaucoup plus naturelle que dans d'autres pays qui ont des systèmes plus consolidés au niveau national, la France en particulier. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a encore cet a priori, même si les critiques vis-à-vis de l'Europe existent ici aussi. La plupart des Italiens restent favorables à l'euro, mais la rigueur, perçue comme étant imposée par l'Allemagne, est passée par là. Et une forte majorité estime aujourd'hui que l'Europe ne va pas dans la bonne direction. Et c'est là-dessus que Matteo Renzi base toute sa campagne, réformant notre pays pour pouvoir imposer nos réformes à l'Europe, dit le gouvernement de centre-gauche, qui ne cache pas sa volonté de pouvoir appliquer avec plus d'intelligence, dit-il, le pacte de stabilité. Rome, Anaïs Feuga, France Info. L'équipe de France de football commence sa préparation pour la Coupe du Monde. Les Bleus se réunissent à partir d'aujourd'hui à Clairefontaine. Les joueurs vont arriver au compte-gouttes. Parmi eux, Stéphane Ruffier, le gardien de l'AS Saint-Étienne, remplace celui de l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda, dans la liste des 23 pour le Brésil. Le gardien numéro 2 des Bleus est forfait, il est blessé au cervical. La mort d'une légende de la Formule 1, l'ancien pilote Jack Brabham est mort à l'âge de 88 ans. Il a succombé à une maladie du foie. L'Australien avait remporté 3 titres de champion du monde en 59, 60 et 66. Il est 9h38, vous écoutez France Info et vous êtes avec Fabienne Sintès. Merci Simon, voici la météo. France Info Météo, avec la MACSF, assureur mutualiste, propose une complémentaire santé individuelle et collective conçue avec des professionnels de la santé pour les professionnels de la santé. Jean-Michel Golinski de Météo France. Un temps maussade autour de la Méditerranée, orageux cet après-midi près de l'océan. Ailleurs, l'ambiance sera quasi estivale avec du soleil, des températures élevées de l'ordre de 26 degrés sur le nord, le nord-est, le bassin parisien, le centre et le Limousin. En Midi-Pyrénées, le soleil va également briller, mais le temps de plus en plus fort va souffler vers 90 km à l'heure en rafale en fin de journée, notamment sur le Lauragais et le sud du Tarn. Il fera entre 23 et 25 degrés des Pyrénées aux rives de la Garonne. Sur la façade océanique, il va également faire chaud, jusqu'à 27 degrés cet après-midi à Bordeaux et à Cognac, 26 du Poitou à l'intérieur de la Bretagne et sur la basse Normandie, avec pour la fin de l'après-midi une menace orageuse pour toutes ces régions de l'ouest. Et dans le quart sud-est, les pluies qui remontent de Méditerranée touchent ce matin la Corse, le Languedoc et la Provence, avec du vent vers 70 km à l'heure et de l'orage sur les Alpes frontalières. Au fil des heures, ce temps perturbé va gagner vers l'Auvergne et Rhône-Alpes. Les températures ne dépasseront pas 22 degrés cet après-midi à Lyon et Ajaccio, 20 à Toulon et 18 sur Nîmes et Montpellier. FIP présente Eliane Elias Quartet à la Maison des Océans le 22 mai à 22h. Dans le cadre du Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris, la chanteuse et pianiste brésilienne interprétera des compositions de Carlos Jobim, Joao Gilberto, George Gershwin ou Cole Porter. À suivre en direct sur FIP le 22 mai à 22h. Plus d'infos, fipradio.fr. FIP, une radio de Radio France. France 2. Sois précis dans tes gestes, très précis. Cette année, il faudra faire preuve d'encore plus de discipline. Attention, l'heure tourne. Le jury se montrera encore plus exigeant. Ils ont eu la chance de voir la première saison, donc ils nous connaissent. Rien n'est trop beau pour que ce soit bon. La nouvelle saison de Qui sera le prochain grand pâtissier, c'est demain soir à 20h45 sur France 2. Nouvel auditorium de la Maison de la Radio. Un son si pur que vous entendrez votre cœur palpiter. Abonnez-vous dès maintenant à la saison 2014-2015 des concerts de Radio France. Tout le programme sur radiofrance.fr/concerts. Brochure gratuite au 01 56 40 15 16. On est en semaine spéciale Europe sur France Info avant les élections de ce dimanche. Question sur l'euro avec Olivier Delagarde de ce matin. Faut-il en sortir ? Des partis, vous le savez, posent la question ouvertement. Voici l'économiste Daniel Cohen. Ça s'appelle « Un monde d'idées ». Faut-il sortir de l'euro ? Question impensable il y a quelques années encore et qui est aujourd'hui bien posée et plus seulement par des esprits farfelus. On peut même dire que cette question aura été comme en filigrane de cette campagne pour les élections européennes. Bonjour Daniel Cohen. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur à l'École Normale Supérieure, vice-président de l'École d'économie de Paris. L'euro pour vous doit-il être considéré comme un échec ? La crise qu'on vient de traverser, de 2009 à aujourd'hui, est manifestement un échec pour l'euro, indiscutablement. La manière dont cette crise a été gérée, à coup d'austérité, de crise financière, témoigne bêtement du fait que l'euro n'était pas prêt, que la communauté des dirigeants européens n'était pas assez mature politiquement pour faire face à cette crise. Mais au final, l'euro a tenu bon. L'euro ne nous aura pas protégés collectivement ? Non, l'euro nous a protégés dans un premier temps. Lorsque la crise commence aux États-Unis en 2007-2008, indiscutablement, l'euro a joué son rôle de paravent. Dans une situation sans euro, lorsque Lehman fait faillite par exemple, indiscutablement, je crois, on peut dire qu'il y aurait eu une crise sur les monnaies faibles, la lire italienne, la pesette. On aurait eu le type de crise monétaire qu'on avait connue dans les années 70-80, qui faisait, selon le célèbre dicton, que quand le dollar s'enrhume, ce sont les Européens qui éternuent. On n'a pas eu ça dans un premier temps. Et puis, bizarrement, au bout d'un an, lorsque la crise était en train de se résorber aux États-Unis en 2009, avec la crise grecque, on a eu notre équivalent de la faillite de Lehman. Lehman fait faillite aux États-Unis, on colmate la brèche. En Europe, on a l'équivalent de Lehman, c'est la crise grecque, et on ne sait pas le faire, et on s'enlise dans la crise. Mais au final, pour un pays comme la France, est-ce que l'euro, depuis sa création, a eu plus d'avantages ou de défauts ? Il y a eu beaucoup d'avantages dans la première phase, beaucoup de défauts dans la deuxième phase. En moyenne, ça n'a pas grand sens de le dire, mais la première phase, oui, a été une période d'argent facile. L'euro a parfaitement tenu ses promesses et d'une certaine manière, il a été victime de son succès. On craignait une monnaie forte, rigoureuse à l'allemande. Au début de l'euro, de 2000 à 2008, justement, on a eu exactement le contraire. L'argent a coulé à flot, ce qui a, par parenthèse, créé la bulle immobilière dans un grand nombre de pays, dont la France. Les prix de l'immobilier doublent au cours de cette période. Mais bien entendu, en Espagne et en Irlande, cet argent facile a créé des excès. Mais c'est le résultat d'une réussite. Cette réussite, elle se paye. Aux États-Unis, on a eu de l'argent facile, on a eu une bulle immobilière. Elle a éclaté comme en Europe. Mais aux États-Unis, on avait un dispositif qui permettait ensuite de remettre de l'argent pour colmater les brèches. Je le disais tout à l'heure, cette fois-ci, on ne l'a pas eu. On a découvert tout d'un coup les vices de fabrication de l'euro, tout simplement. L'euro est un compromis un peu bâtard entre la France et les Allemands dans les années 90. Beaucoup de choses n'ont pas été pensées, beaucoup de détails n'ont pas été soignés, et c'est tout ça qu'on a payé au cours des 3-4 dernières années, et qu'en France, on est encore en train de payer. On n'est toujours pas sorti de la crise, en réalité. On a vu les chiffres, pas de croissance nulle au début de cette année. C'est pas une très bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, Daniel Cohen, ces vices de fabrication dont vous parliez ont-ils été corrigés? Un grand nombre de vices de fabrication ont été corrigés. On n'avait pas le droit de prêter à un État en difficulté. On a créé un fonds de stabilité financière de 500 milliards qui est capable d'agir. On interdisait, c'est peut-être là le vice central, on interdisait à la Banque centrale européenne d'intervenir pour soutenir les pays en danger. Et c'est ça qui a inquiété les marchés. Si la Banque centrale ne peut pas jouer son rôle, ça veut dire que vous êtes en l'air sans parachute lorsque vous avez des difficultés de financement. Là, grâce à l'intervention de Mario Draghi, la Banque centrale s'est dotée de ce droit. Donc oui, un certain nombre de vices de fabrication ont été corrigés, mais il en reste beaucoup d'autres à corriger. Un exemple très simple. Si une grande banque fait faillite, comme ça s'est passé en Espagne, comme ça s'est passé en Irlande, en réalité, il n'y a aucun mécanisme au niveau européen qui permette de mutualiser les pertes. La Banque centrale n'aurait pas le droit d'intervenir aujourd'hui pour venir au secours d'une banque en difficulté, pour la recapitaliser, comme la banque américaine, centrale américaine, l'a fait au moment de la crise de Lehman. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire pour trouver au niveau européen, au niveau fédéral européen, pour dire des mots qui fâchent, des mécanismes qui permettent aux Européens, à la Commission, au Parlement européen, d'agir directement, fort d'un mandat qui aurait été précisé, sans être obligé de repasser par la case négociation entre États pour savoir quelle doit être la solution finale. Daniel Cohen, économiste invité d'Un Monde d'Idées toute la journée sur France Info. On se retrouve tout à l'heure. Jérôme Kerviel est-il un héros ou un escroc? Question posée dans l'actualité en question sur France Info, juste après les titres. Il est 10h moins le quart. L'essentiel, Simon Le Baron. Jérôme Kerviel, qui a été incarcéré ce matin à la maison d'arrêt de Nice, l'ancien trader de la Société Générale, a passé la nuit au commissariat de Menton où il s'était laissé arrêter à minuit par des policiers français. Jérôme Kerviel doit purger une peine de 3 ans de prison ferme. Dominique Strauss-Kahn va porter plainte pour diffamation contre Welcome to New York, le film d'Abel Ferrara qui s'inspire de l'affaire du Sofitel. Il a été projeté samedi soir en marge du Festival de Cannes. Les députés examinent cet après-midi la proposition de loi sur l'autorité parentale et l'intérêt de l'enfant. Le texte prévoit notamment de nouveaux droits pour les beaux-parents pour faciliter les démarches de la vie quotidienne. La réduction d'impôts annoncée la semaine dernière par Manuel Valls s'appliquera jusqu'en 2017. C'est ce qu'assure le ministre des Finances, Michel Sapin. Ce geste fiscal doit permettre à 1 800 000 foyers de sortir de l'impôt sur le revenu cette année. 31 enfants sont morts dans un accident de la route en Colombie. L'autocar qui les transportait a pris feu. On ne connaît pas encore les causes de l'accident. Au moins 44 personnes ont péri dans les Balkans, touchées par de très graves inondations, notamment en Bosnie et en Serbie. Des dizaines de milliers d'habitants ont dû être évacués. Fabienne Sintès. Jérôme Kerviel est-il un héros ou un escroc, innocent, victime expiatoire du système, ou cynique, certes repenti peut-être, mais qui consciemment a voulu berner les épargnants, a triché en tout cas et joue aujourd'hui une autre partition? Les divisions autour de ces deux points de vue, elles provoquent des alliances qui sont parfois assez étonnantes, puisque le front de gauche se retrouve à défendre le symbole finalement le plus caricatural du capitalisme, qui est l'image du trader, et puis que le Front National est plutôt en accord avec lui dans la défense des petits, on va dire. On en parle donc dans l'actualité en question. Nous sommes avec avec Éric Coquerel du Front de Gauche. Vous avez été un moment à Menton pour rencontrer directement Kerviel. Vous allez pouvoir nous en parler. Puis nous sommes aussi avec Emmanuel Perra qui est avocat, parce qu'il est bon de reparler de droit peut-être au milieu de cet énorme moment de communication aussi qu'a été ce week-end. Avant cela, un tour à Menton, un tour à Nice d'ailleurs plutôt peut-être, où vous êtes, Sandrine Etoa-Handeg. Est-ce qu'on peut dire que Jérôme Kerviel a été incarcéré ou pas à l'heure où on se parle? Oui, Jérôme Kerviel vient tout juste d'être incarcéré à la maison d'arrêt de Nice. Il y est jusqu'à nouvel ordre. Juste avant, il a été présenté au procureur. Nice, où il est arrivé un petit peu avant 9h ce matin, à bord d'un fourgon de police, parti du commissariat de Menton, où il a passé la nuit. À sa sortie du commissariat ce matin, l'ex-trader avait l'air souriant. Il a fait un petit signe de la main à quelques membres de son comité de soutien qui s'étaient rassemblés sous les fenêtres du commissariat de Menton. Et Sandrine, ramenez-nous un petit peu dans cette soirée d'hier qui a quand même été, j'allais dire aussi rocambolesque que finalement l'ensemble du week-end. Il y a eu un passage de frontière qui s'est fait à minuit pile, en fait, puisqu'on sait que c'est passé minuit une, en fait, que Jérôme Kerviel aurait été considéré en fuite. Oui, et Jérôme Kerviel n'a cessé de répéter « Vous voyez, je ne suis pas un fugitif, je ne suis pas en fuite ». Et c'est vrai qu'il a été interpellé très rapidement. Il venait juste de passer devant l'ancien poste frontière de Menton. Il avançait sur quelques mètres, toujours suivi par la nuée de journalistes qu'il n'a pas lâché du week-end. Et l'interpellation a été vraiment rapide. Une interpellation sans violence, mais expéditive, quasiment à minuit pile. Et Jérôme Kerviel, donc, lui, a été un peu surpris quand le policier en civil l'a amené vers la voiture de police banalisée. Il est resté silencieux, mais il n'a pas opposé de résistance. Emmanuel Perra, une arrestation de ce type-là, donc immédiatement après la frontière, sans attendre. Expliquez-nous, c'est comme ça que ça fonctionne? C'est normal? On entend déjà le comité soutien, on entendait tout à l'heure le père Patrice Gourrier dire que ça avait été trop soudain, trop rapide. C'est comme ça que ça fonctionne? C'est comme ça que ça fonctionne, surtout le pied quand le justiciable, en quelque sorte, a passé le week-end à narguer les uns et les autres, a déclaré qu'il allait rester en Italie, qu'il ne franchirait pas sous condition de recevoir une lettre de président de la République, que son avocat soit reçu par je ne sais trop quoi. Enfin bref, on a vu tout un folklore comme ça, on va dire plutôt de provocation. Il n'y avait pas de raison de faire un traitement de faveur. On lui avait déjà repoussé de 15h à minuit, sans parler des aménagements préalables, hein, parce que Jérôme Kerviel aurait dû aller en prison, en pur droit, juste après l'arrêt de la cour d'appel. On a attendu la cour de cassation, déjà une, et puis ensuite on a attendu, on va dire, 2 ou 3 mois, le temps que, normalement, on laisse à quelqu'un qui a une famille pour s'organiser, un travail, etc., avant de se rendre dans un centre de détention. Donc je pense que la justice en avait assez et qu'il était temps que cette comédie, même pas burlesque, se termine. Provocation, ou est-ce qu'on a affaire aussi à un jeune homme qui ne sait pas très bien en fait sur quel pied danser dans cette histoire-là et qui est dépassé par sa propre histoire peut-être? Oui, je pense que c'est aussi le cas. Et c'est vrai que son discours est pétri de contradictions, puisqu'on l'a entendu hier soir au moment où il passer la frontière, dire « je n'ai jamais entendu contester la règle de droit », alors qu'il venait de passer visiblement plusieurs semaines à dire que le droit ne fonctionnait pas, que la justice était pourrie, etc. Et puis d'un seul coup, à minuit, il y a des poussières pour éviter peut-être une arrestation encore plus musclée. D'un seul coup, il devient un gentil agneau qui aurait suivi les discours de ses parents sur l'affaire, le côté légaliste de la République. Il y a aussi tous ces discours contradictoires sur la finance. On l'a très peu entendu. À part ces derniers temps, hein, stigmatiser la finance internationale. Jusqu'ici, son ennemi, c'était une banque, la banque qui l'avait en quelque sorte exclue de ses rangs, et en certainement pas le système financier ou capitaliste mondial. Éric Coquerel, au Front de Gauche, on a entendu Jean-Luc Mélenchon dire carrément que Jérôme Kerviel était innocent. Est-ce que c'est réellement le terme approprié? En tout cas, il y a au moins une présomption d'innocence, parce que je vous rappelle une chose, c'est que... Le 19 mars dernier, la Cour de cassation a annulé la condamnation à verser des dommages et intérêts à la Société Générale. Donc elle reconnaît qu'il y a un problème, et nous, ce que nous disons, c'est qu'il doit y avoir une étude indépendante sur la question de ces milliards qui, soi-disant, ont été perdus par la Société Générale, dont je rappelle qu'elle a quand même récupéré déjà 1,7 milliard, par justement grâce aux contribuables, puisque il y a un mécanisme qui permet à l'État de rembourser une banque qui subit ce genre de perte. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on devrait aller plus loin. Mais moi, ce que je vous entendais là il y a quelques instants, j'ai trouvé votre interlocuteur, ce qui est étonnant quand même, c'est la dureté qu'on avait vis-à-vis de quelqu'un qui dont j'ai l'impression que l'on regrette davantage qu'il dénonce aujourd'hui que ce qu'il a fait. Bon, il y a quelques mois encore, je vous rappelle qu'il y a un ministre qui a menti devant tout le Parlement au sujet de malversation. Il est toujours en liberté. Et le moins qu'on puisse dire là, c'est que le traitement n'est pas le même. Bon, Jérôme Kerviel agit avec ses moyens. C'est pas un politique, il prétend pas l'être. Moi, je l'ai rencontré, je le pense sincère, je pense qu'il est passé de l'autre côté du miroir, et je dirais que moi, je préfère ça à quelqu'un genre le loup de Wall Street du dernier film de Scorsese ou des banquiers cyniques qui, eux, continuent à entretenir le système. Mais Éric Coquerel, justement, vous dites qu'il est passé de l'autre côté du miroir, et pourquoi pas, mais avant, lorsqu'il était du mauvais côté du miroir et du mauvais côté de la force, il a fait des choses qui sont répréhensibles et qui ont été condamnées par la justice. Je comprends pas bien pourquoi les deux ne sont pas compatibles, en fait. Dans le fait de dire « je ne suis plus la même personne » et en même temps décider que oui, il faut purger sa peine, c'est-à-dire aller en prison. Bon, d'abord, il est revenu, il n'a pas dit qu'il n'acceptait pas de purger sa peine, mais il dit une chose, c'est qu'on ne doit pas, en gros, juger le lampiste, mais le système. Et là, tout le monde sait, et c'est bien pour ça que son combat nous intéresse, parce que moi j'y suis allé dans le cadre des élections européennes, on dit l'Europe de la finance, ça suffit, le système des banques aujourd'hui est quelque chose, tout le monde le dit, qui pose des problèmes sur les paradis fiscaux, sur les optimisations fiscales, sur le fait de jouer comme ça la vie de millions de salariés en jouant sur les cours de la bourse à un instant T, en pariant sur une entreprise pour les délocaliser, etc. Donc il y a un vrai problème avec le système financier. Bon, voilà, lui il le dit maintenant, moi je le crois sincère, chacun après a son jugement sur ce point, et en tout cas, il précise, il décrit un système qui n'étonne personne. Voilà, on sent tous effectivement, on a aujourd'hui des gens qui jouent avec nos vies, avec l'économie, comme ils joueraient au Monopoly. Bon, et en plus pour de l'argent qui est jeté par la fenêtre, puisqu'il ne sert même pas aux investissements. Voilà, c'est en ça que son combat nous intéresse. Emmanuel Perra, est-ce qu'on peut comparer, comme vient de le faire Éric Coquerel, par exemple, Cahuzac-Kerviel, même combat ? Non, c'est pas tout à fait la même chose. Il faut rappeler quand même que l'affaire Kerviel, ça date de 2008. Hein. On n'est pas tout à fait dans la même temporalité. Et la justice a eu le temps, en quelque sorte, de faire son œuvre, hein, qu'on la considère comme sévère ou non, c'est-à-dire de faire une instruction assez longue, de procéder à une première instance, puis une cour d'appel, puis une cour de cassation. On n'en est pas encore là dans l'affaire Cahuzac, donc il n'y a pas de raison de crier. Jérôme Kerviel n'est pas resté en prison, hein. Par ailleurs, dans tout ce temps, il est allé en détention provisoire, 41 jours, et puis ensuite a été remis en liberté, conformément au droit, en attendant ses jugements. Bon, voilà, désormais, on va dire, si je me permets, la messe est dite, puisqu'il y a beaucoup de religiosité ce week-end dans cette affaire, il est déclaré coupable en droit. Je m'étonne beaucoup qu'on puisse le déclarer innocent, même pour des raisons politiques. On peut éviter quand même de confondre, parce qu'il y a une grande nuance, hein, la pseudo-innocence de Jérôme Kerviel, et puis la dénonciation de la finance internationale, à laquelle je peux entièrement souscrire. Puis enfin, il y a quand même ces choses assez étonnantes aussi, qui dérives un peu compliquées dans le discours de Jérôme Kerviel, dans cette espèce de phase mystique, où c'est un coup la visite au pape, et le lendemain, un curé, on va dire, qui se autoproclame lui aussi juge et expert en matière criminelle, c'est assez étonnant. Éric Coquerel, bien sûr que on a bien compris, et d'ailleurs, j'allais presque dire, il n'y a pas de mal à ça. Vous êtes aussi en campagne européenne en ce moment, et sur des thèmes qui rejoignent ce qui se passait sur cette route avec Jérôme Kerviel. Donc, très sincèrement, il y a aussi ça qui se rejoint avec le Front de Gauche dans cette affaire, non ? Quand j'étais avec Jérôme, j'en ai parlé avec lui l'autre jour, je lui ai dit, on utilise ton combat, c'est clair. Nous, on combat contre l'Europe de la finance, on dit des choses, bon, malheureusement, qui se confirment depuis 2008 et la crise des subprimes, et on le fait, j'allais dire, pas toujours avec une grande facilité d'avoir des médias comme, par exemple, vous, ce matin, qui m'interviewez. C'est sûr que Kerviel, l'autre jour, arrivant avec des micros et des caméras, ça nous permet, et je pense qu'il y a quelque part, un échange de bons procédés, ça nous permet de donner un éclairage global, sur ce qu'il condamne. Bon, ouais, c'est-à-dire un système qui est toujours aux marges de la légalité, mais quand il n'est pas de l'autre côté. Mais vous croyez pas qu'on est tombé quand même du mauvais côté, en tout cas y compris pour vous d'ailleurs, quand c'est trop mis en scène, ça cesse d'être efficace. Et il y avait quand même un côté extrêmement Barnum, en fait, dans ce qui a pu se passer ce week-end. Et alors, tous responsables, hein, je suis journaliste, moi aussi, donc j'ai un micro dans les mains. Mais il y a quelque chose d'extrêmement mis en scène, d'extrêmement préparé, on va dire, qui nuit à l'efficacité, non ? Même pour vous ? Écoutez, je ne suis pas sûr que ça soit préparé et mis en scène, ça c'est ce qui est l'interprétation que vous en donnez, mais moi je trouve que ce Barnum, comme vous le dites, vaut mieux que la spéculation des banques, par exemple, qui est exercée sur des peuples, des États souverains comme la Grèce, qui a fait en sorte que la Grèce aujourd'hui est à moins 15% de PIB en quelques années pour spéculer sur les dettes souveraines, alors qu'il y a une banque centrale européenne qui leur prête à 1%. Ces 1%, ils peuvent ensuite faire des prêts à 7, 8, 9% à des États. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ça me semble vraiment peu de choses par rapport à un système qui, lui, aujourd'hui, est en train de ruiner des économies, est en train d'entraîner des gens au chômage. Donc, vous me pardonnerez de ne pas partager, j'allais dire, votre cette espèce de sentiment où tout d'un coup Jérôme Kerviel devient pointé du doigt parce que il utiliserait les médias. Je ne sais pas s'il le fait. Très sincèrement, je pense que vous parliez du côté mystique. Je pense qu'effectivement il y a un côté mystique chez Jérôme Kerviel que nous ne partageons pas. Vous le savez. Bon, mais en même temps, je crois que il est plus aujourd'hui pointé du doigt pour la dénonciation du système qu'il a fait plutôt que pour le fait de l'avoir servi. Et c'est ça aujourd'hui qu'il paye, à mon avis, d'une peine de prison extrêmement forte, qui est quand même assez rare au niveau des jugements de ce qu'on appelle les cols blancs. Hein. C'est quand même assez rare qu'on parle de 3 ans en ferme. Moi, je suis persuadé que Jérôme Kerviel aurait essayé d'arranger ça mezzo voce, sans faire de bruit. Il s'en serait tiré largement mieux. Donc le problème, je vous dis, c'est d'abord de savoir pourquoi la Société Générale de faire une étude indépendante sur ces 5 milliards soi-disant perdus. Je pense qu'on apprendrait plein de choses intéressantes. Emmanuel Perrin, on va rappeler aussi quand même qu'il va y avoir un procès civil qui va avoir lieu. C'est bientôt d'ailleurs, et ce sera devant la Cour d'appel de Versailles. Ça veut dire que la Société Générale n'est pas complètement exempte non plus, non, en fait, dans cette histoire. Et le vrai procès éventuellement sur lequel on devrait se focaliser, c'est celui effectivement de la Société Générale et de la question des 5 milliards. Maintenant, l'affaire Kerviel, elle est entendue, hein, et il ne faut pas en faire ni Omar Haddad ni Julian Assange. Hein. On est dans une autre mesure. Emmanuel Perrin, merci beaucoup. Je vous laisse responsable de vos propos et de vos comparaisons. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous sur France Info. Éric Coquerel aussi, il sera 10h dans une poignée de secondes. L'Europe, certains la voient utile. On peut aussi penser qu'elle pourrait être plus utile. D'autres trouvent qu'elle se mêle trop de notre vie. Ou alors pas assez. Qu'elle n'en fait pas assez, ou alors trop. Bref, on a tous notre mot à dire sur l'Europe, parce que c'est notre Europe. Choisir son député, c'est choisir son Europe. Les élections européennes, c'est le 25 mai et c'est un seul tour. Pour en savoir plus, rendez-vous sur oui-je-vote.eu. Vincent était comme tout le monde. À chaque fois qu'il faisait la queue au péage, il se disait « Il faut vraiment que je prenne un badge télépéage Vinci Autoroute ». Et puis une fois passé le péage, il n'y pensait plus. Et la fois d'après, « Faut vraiment que je prenne un badge Vinci Autoroute ». Comme tout le monde, quoi. Et puis un jour, il s'est décidé, il s'est dit « Tant que je suis là, je vais en profiter pour prendre un badge Vinci Autoroute ». Et maintenant, il est content, Vincent. Pas comme tout le monde, puisque tout le monde n'a pas un badge Vinci Autoroute. Eh oui. Vinci Autoroute, roulons autrement. Disponible en espace client ou sur vinciautoroute.com. Et voici Agnès Soubiran. Bonjour Agnès. Bonjour Fabienne. J'ai presque peur d'oublier votre nom subitement. Bonjour à tous, bienvenue dans le 10-12 de France Info. Il est 10h, c'est parti. Statut du beau-parent, médiation familiale, double résidence de l'enfant, la famille en discussion à l'Assemblée à partir d'aujourd'hui. L'opposition monte au créneau et dépose des centaines d'amendements. Que contient exactement cette proposition de loi ? Explication notamment à 11h15 avec une avocate spécialiste du droit de la famille. Dans l'actualité également, Jérôme Kerviel rejoint la maison d'arrêt de Nice. Le psychodrame aura duré tout le week-end. Les grandes manœuvres continuent autour d'Alstom avec l'offre que devrait déposer cette semaine l'Allemand Siemens. Et puis le festival de Cannes, polémique autour du film sur l'affaire DSK et parade des gros bras du cinéma américain hier. Dans Info Santé à 11h05, nous ferons le point sur le dépistage du cancer du sein avec les nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé. Et puis c'est la fête des mères dimanche prochain. Raphaël Bott nous dira comment l'image des mamans a évolué dans les livres pour enfants. Désormais, la mère n'est plus toujours gentille et parfaite. Ouf! Et d'abord le journal avec Mathilde Munoz. Bonjour Mathilde. Bonjour. Et on commence tout de suite par la loi sur la famille, effectivement. Qui revient aujourd'hui au Parlement. Le gouvernement estime que le contexte est désormais apaisé après les violentes critiques émises par les militants de la Manif pour tous. Le texte a été vidé de ses sujets les plus controversés, comme la procréation médicalement assistée. Il se concentre désormais sur les problèmes pratiques des familles séparées ou recomposées. La mesure principale, selon l'un des rapporteurs, le socialiste Erwan Binet, c'est la création d'un statut pour les beaux-parents. 1 million d'enfants vivent avec une belle-mère ou un beau-père. Il faut bien rappeler que l'autorité parentale n'appartient qu'aux deux parents de l'enfant. Il s'agit simplement pour les actes qu'on appelle usuels en droit, exemple, les actes de la vie quotidienne, aller chez le médecin, permettre d'aller chez le médecin, participer aux réunions de l'école, prendre des décisions éventuellement pour ce qui concerne la vie quotidienne, pour l'école, pour les sports et les activités périscolaires, pour éventuellement des décisions simples en matière de santé. Il faut que les familles maintenant s'emparent de cet outil que nous allons leur proposer et nous verrons comment elles s'en accaparent, comment la société va traiter ce mandat d'éducation quotidienne et probablement que des évolutions interviendront. Mais je crois que pour cette première entrée en matière vers une reconnaissance du beau-parent dans le code civil qui n'existe pas aujourd'hui, il ne faut pas être maximaliste. Commençons par peu, probablement, mais finalement par beaucoup, parce que, encore une fois, le beau-parent n'existe pas et nous allons finalement l'introduire dans le code civil. Et ce texte est présenté par l'EPST et les écologistes. L'UMP, qui est contre, a déposé plus de 600 amendements. Les députés vont en débattre jusqu'à mercredi avant un vote prévu à la fin du mois. Après avoir annoncé des baisses d'impôts, après avoir précisé qui seront les bénéficiaires, le gouvernement nous donne maintenant le calendrier. 1 800 000 ménages modestes vont sortir de l'impôt sur le revenu dès cette année et la mesure sera pérennisée jusqu'en 2017, c'est-à-dire jusqu'à la fin du quinquennat. Michel Sapin, le ministre des Finances, explique que ce dispositif sera financé par l'argent récolté dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale. Il suscitait déjà la polémique. Le film Welcome to New York vient de récolter une plainte. Dominique Strauss-Kahn a décidé d'attaquer le film d'Abel Ferrara, contrairement à son ex-épouse Anne Sinclair, qui a déclaré « Je n'attaque pas la saleté, je la vomis ». Ce film retrace l'affaire du Sofitel et la chute de l'ancien patron du FMI. Et il y aura donc des suites judiciaires, Sophie Parmentier. Maître Veil, l'avocat de Dominique Strauss-Kahn, vient d'annoncer ce dépôt de plainte pour diffamation car DSK est effrayé, écœuré par ce film d'Abel Ferrara. Ce sont les mots de Maître Veil qui reconnaît néanmoins que Dominique Strauss-Kahn n'a pas vu le film et qu'il ne le verra pas. Ce film, Welcome to New York, sorti en VOD sur Internet ce week-end, ce film inspiré de la vie du couple Dominique Strauss-Kahn-Anne Sinclair et qui relate notamment l'épisode du Sofitel en 2012. Ce film avec Gérard Depardieu est abominable pour Maître Veil du fait des accusations de viol à l'encontre de son client. Dans l'affaire DSK contre Nafissatou Diallo, DSK a été très vite mis hors de cause, martèle son avocat, qui parle d'accusations intolérables et même s'il y a un droit à la fiction, il revendique aujourd'hui le droit à l'oubli pour Dominique Strauss-Kahn. Jean Veil va donc déposer une plainte pour diffamation contre Abel Ferrara, mais il ne demandera pas l'interdiction du film. Jérôme Kerviel est en prison, il a été incarcéré tout à l'heure à la maison d'arrêt de Nice. L'ancien courtier de la Société Générale, condamné pour fraude massive, doit purger une peine de 3 ans. Jérôme Kerviel a été arrêté cette nuit, juste après avoir traversé la frontière avec l'Italie. 10h05 sur France Info, au moins 44 morts et des dizaines de milliers de sinistrés. Voilà le dernier bilan des inondations dans les Balkans. Ce sont les pires inondations depuis un siècle et en Serbie, les autorités s'inquiètent aussi pour une centrale thermique. C'est la plus grosse du pays, elle fournit l'électricité de la moitié des habitants et elle est menacée par les eaux. Des dizaines de personnes s'activent pour empiler des sacs de sable tout autour. Laurent Rouy, notre correspondant sur place, s'est rendu dans la ville la plus touchée de Serbie. Il a accompagné les secours à Obrenovac. Depuis dimanche, dans un chaos indescriptible, des centaines de sauveteurs, civils et militaires, serbes et étrangers, bénévoles et professionnels, se côtoient en barque, en camion, pour ravitailler les civils qui vivent encore sur place, alors que presque 20 000 personnes ont été évacuées. Les sauveteurs patrouillent et distribuent des vivres à qui le demandent. Est-ce que quelqu'un veut des boîtes de pâté? Non? Mais c'est des médicaments qu'on n'a pas. Faites une liste, on va revenir dans 45 minutes, dans une heure. Le centre d'Obrenovac est encore envahi par presque 1 mètre d'eau, une quantité presque négligeable quand on sait que les flots ont atteint 5 mètres par endroit. On devine à quel point cette montée des eaux a été rapide à la vue des voitures encore garées sous l'eau que personne n'a eu le temps de toucher. Cette rapidité a fait des victimes. Dimanche, 12 corps ont été retrouvés, mais il reste encore 200 disparus. Le bilan final pourrait s'avérer très lourd. Belgrade, Laurent Rouy, France Info. 31 enfants sont morts brûlés vifs en Colombie, 24 autres sont blessés, souvent dans un état critique. L'autocar qui les transportait a pris feu, il a explosé. Selon plusieurs témoignages, le conducteur manipulait un bidon d'essence à bord du véhicule. L'homme a ensuite disparu. Des habitants en colère se sont rendus chez lui et ont lancé des pierres contre sa maison. La Corée du Sud n'a plus de garde-côtes. Les autorités ont décidé de dissoudre ce corps mis en cause dans le naufrage d'un ferry il y a un mois. Un naufrage qui a fait 302 morts. Les proches des victimes avaient reproché chercher au secours, leur manque d'efficacité et des règles laxistes en matière de transport maritime. Direction la Croisette où les gros bras d'Hollywood ont assuré le spectacle hier. Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Harrison Ford, Antonio Banderas, Mel Gibson et toute l'équipe d'Expendables 3 sont venus présenter le film en marge du festival et ils l'ont fait juger sur des tanks. Une belle brochette d'acteurs qui a évidemment fait sensation, Géraldine Allo. On n'a jamais vu autant de testostérone au mètre carré. Perché sur un char, Schwarzenegger fait bronzer ses biceps, Sylvester Stallone sourit de travers, Antonio Banderas multiplie les selfies, de quoi transformer Maher et Sofiane, deux grands gars du Var, en véritables millimètres. Sylvester, Rocky, c'est le feu, c'est Cannes, c'est beau. Voilà, le souffle occupé, je sais pas quoi dire. C'est la première fois, on est venu à Cannes pour ça. C'est l'enfance, c'est tous les films qu'on a regardés, qu'on adore. Et surtout Stallone, Schwarzenegger. C'est parfait. Reculez, messieurs dames, reculez s'il vous plaît. Reculez s'il vous plaît. Ça touche pas, non, pour les policiers, genre d'événement. Oui, en effet, oui. Allez, ben justement, aidez-moi un petit peu s'il vous plaît. Vous pouvez pas me laisser passer, j'ai oublié mon mouchoir là-bas. Oui, oui, oui. Le mouchoir, on va aller le chercher. Un policier va aller le chercher. Mon mouchoir, oui. Il est là-bas. Là, c'est France, une sexagénaire en pamoison. Je viens de voir mon amour, Stallone, sur un char. Là, c'est super. Là, j'ai fait un beau poster. Moi, je vois l'acteur, je vois la gentillesse, je vois le... Ce n'est pas le cas de certains acteurs français. Hein. Votre histoire de mouchoir, c'est vrai ou c'est pour passer? Non, bien sûr, c'est pour passer. Bah, évidemment, moi, rien ne m'arrête. Hein. Pour les amateurs de papy à gros bras, Expendables 3, ce sera le 20 août au cinéma. Eh ben là, il y a du lourd. Cannes, Géraldine Allo, France Info. Et il y a du lourd aussi côté compétition avec un habitué de la Croisette aujourd'hui, le Canadien David Cronenberg. Il présente là une critique féroce du système hollywoodien dans son film Maps to the Stars, un film avec Julianne Moore et Robert Pattinson qui sortira en salle mercredi. Un autre film en lice pour la Palme d'Or est présenté aujourd'hui, Foxcatcher de l'Américain Bennett Miller. Il retrace l'histoire vraie et tragique de deux champions olympiques de lutte. On doit à Bennett Miller notamment le film Truman Capote avec Philippe Seymour Hoffman. L'équipe de France de football entame aujourd'hui sa préparation pour le Mondial. Les premiers bleus sont attendus en fin de matinée à Clairefontaine dans les Yvelines. Mais pas Steve Mandanda, le gardien marseillais s'est blessé samedi au cervical. Il doit renoncer à la Coupe du Monde. Il va être remplacé par le portier de Saint-Etienne, Stéphane Ruffier. En tennis, l'homme en forme à une semaine de Roland-Garros, c'est Novak Djokovic. Le Serbe a remporté hier le Masters 1000 de Rome en dominant le numéro 1 mondial Rafael Nadal en finale. Chez les dames, Serena Williams s'est imposée face à l'Italienne Sara Errani. Elle n'a pas fait dans la dentelle, 6-3, 6-0. C'est le 60e titre de sa carrière. Enfin, la mort du pilote de Formule 1 Jack Brabham. Il est décédé à 88 ans d'une maladie du foie. L'Australien a remporté 3 fois le titre de champion du monde en 59, 60 et 66. La dernière fois, c'était au volant d'une voiture qu'il avait lui-même construite. France Info, il est 10h10. Vous retrouvez Agnès Soubiran. Merci Mathilde. Et à 10h25 sur France Info, nous retrouverons Florence Leroy à Cannes pour le journal du festival. Dans une minute, le dessinateur du jour. Pour Kishka et tout de suite les prévisions météo de Jean-Michel Golinski. France Info Météo, avec la MACSF, assureur mutualiste, propose une complémentaire santé individuelle et collective conçue avec des professionnels de la santé pour les professionnels de la santé. Un temps maussade autour de la Méditerranée, orageux cet après-midi près de l'océan. Ailleurs, l'ambiance sera quasi estivale avec du soleil, des températures élevées de l'ordre de 26 degrés sur le nord, le nord-est, le bassin parisien, le centre et le Limousin. En Midi-Pyrénées, le soleil va également briller, mais le temps de plus en plus fort va souffler vers 90 km à l'heure en rafale en fin de journée, notamment sur le Lauragais et le sud du Tarn. Il fera entre 23 et 25 degrés des Pyrénées aux rives de la Garonne. Sur la façade océanique, il va également faire chaud, jusqu'à 27 degrés cet après-midi à Bordeaux et à Cognac, 26 du Poitou à l'intérieur de la Bretagne et sur la basse Normandie, avec pour la fin de l'après-midi une menace orageuse pour toutes ces régions de l'ouest. Et dans le quart sud-est, les pluies qui remontent de Méditerranée touchent ce matin la Corse, le Languedoc et la Provence, avec du vent vers 70 km à l'heure et de l'orage sur les Alpes frontalières. Au fil des heures, ce temps perturbé va gagner vers l'Auvergne et Rhône-Alpes. Les températures ne dépasseront pas 22 degrés cet après-midi à Lyon et Ajaccio, 20 à Toulon et 18 sur Nîmes et Montpellier. Du 11 avril au 26 mai, Radio France organise la deuxième édition du concours Nouveaux Sons de création sonore. Téléchargez la palette sonore. Triez, samplez, bidouillez, mixez et envoyez-nous votre création. Vous serez peut-être l'un des 8 lauréats récompensés par le jury de Radio France. Plus d'informations sur nouveausons.radiofrance.fr. France Info. Également sur la croisette, le dessin du jour. Bonjour Kishka. Bonjour Anir, comment allez-vous? Ben bien, et vous? C'est à vous qu'il faut poser la question, vous avez la chance d'être à Cannes. C'est vrai, c'est une chance. Malheureusement, la pluie est arrivée ce matin. Ah. Mais aujourd'hui, bon, il y a la montée des marches de tous les dessinateurs et réalisateurs et producteurs du film de Radu, caricaturiste, fantassin de la démocratie. Donc, c'est beaucoup de raisons de se réjouir. Alors effectivement, votre dessin aujourd'hui montre le réalisateur du film Monter les marches. C'est pour ce soir, la montée des marches. Absolument. Plus précisément à 18h15, si vous voulez nous voir. Ah, vous allez monter aussi. Vous êtes préparé particulièrement pour cette montée des marches. C'est la première fois. Oui, c'est la première fois pour un film auquel nous participons tous, et ça va être la première fois que je vais voir tous mes collègues en smoking, papillon et robe de soirée. Alors ça va être rien que ça, ça va être une surprise assez intéressante. Alors un mot quand même sur votre dessin où on voit effectivement le réalisateur roumain Radu Mihăilnu monter les marches avec des crayons aux mains. Oui, ben voilà, absolument, parce que vu que c'est vraiment un projet qu'il a porté et qu'il a mûri pendant très longtemps et que finalement il a finalisé. De venir suivre 12 dessinateurs, chacun dans leur pays respectif, dans des pays très importants et très différents du globe, pour un peu faire le point sur la situation de la liberté d'expression et des démocraties dans le dessin de presse. C'est pour ça qu'ils nous appellent les fantassins de la démocratie, quelque part dans le titre du film. Alors c'est pour ça que je les fais marcher en s'aidant de deux crayons comme de deux cannes. Et puis canne, c'est un jeu de mots. Vous savez, moi en tant que Belge, je ne peux pas en empêcher. Donc effectivement, ce film suit des dessinateurs dans le monde entier. Alors il y a Plantu en France, il y a vous en Israël. Oui. Et là je suis dans la voiture qui nous mène à une séance de photos. J'ai en face de moi Jeff Danziger de New York, Boligan de Mexico, Mikhail Zaskowski de Moscou. J'ai Lassane de Côte d'Ivoire et j'ai Damien Glaise de Burkina Faso. Donc, on n'a pas intérêt à faire un accident parce que c'est vraiment la caricature mondiale qui en prendrait un coup. Et la démocratie. Voilà. Et la démocratie. Et la démocratie, oui. Enfin, moi, je pense, je vois ça d'une façon un peu plus modeste. Hein. Je pense qu'on est sûrement un des baromètres. On n'est sûrement pas le seul, mais on est un des baromètres. Et c'est sûr que ce qui est très intéressant, c'est de partager nos expériences communes. Aucun de nous n'a encore vu le film. On a eu des échos qu'il était formidable. Et on se réjouit tous de le voir ce soir en avant-première. Voilà, puisqu'il est présenté ce soir au Festival de Cannes, pas dans la sélection officielle, il est hors compétition, mais c'est l'occasion de le découvrir. Et puis, il y aura d'autres rendez-vous en France, notamment une projection à Paris dont on reparlera. Je voudrais dire un petit mot, on mettra ce dessin sur notre site internet, je voudrais dire un petit mot sur les illustrations, les ficelles de l'argot qui vient de sortir chez Hatier, que vous avez illustré pour illustrer l'argot français. C'était, ça vous a amusé de faire ça? Ah, énormément. J'imagine. Parce que d'abord, ce livre est très riche en informations sur les 65 mots qui ont été choisis par l'écrivain nommé Bescon. Parce que chaque mot a ses synonymes, son sens, son étymologie, les secrets de la manière dont il s'est formé au fil des temps, et puis un extrait d'anthologie en fait où ce mot est repris. Alors il y a de l'argot qui date de Zola, de l'argot qui passe par Audiard et l'argot des banlieues. Donc c'est vraiment, ça traverse des époques. Et donc ça m'a passionné de le faire et je l'ai fait avec des dessins très humoristiques mais qui réagissaient en argot à l'argot. Donc ça a été vraiment comme faire des rebounding en basket. J'ai eu énormément de plaisir à faire ce livre pour Hatier, la collection Becherel. Voilà, donc les ficelles de l'argot. Et puis, écoutez, on vous souhaite une très belle montée des marches cet après-midi à Cannes. On va bien sûr vous regarder. Merci beaucoup, Kishka. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Très belle journée. 10h15 sur France Info, les titres de l'actualité. Mathilde Munoz. Effrayé et écœuré, voilà la réaction de Dominique Strauss-Kahn au film d'Abel Ferrara, Welcome to New York, qui lui est consacré. DSK va porter plainte pour diffamation, il revendique le droit à l'oubli. Jérôme Kerviel a rejoint ce matin la maison d'arrêt de Nice. L'ancien trader de la Société Générale doit encore purger 3 ans de prison pour avoir fait perdre 5 milliards d'euros à son ancienne banque. La loi sur la famille arrive en débat à l'Assemblée, elle se concentre surtout sur les familles recomposées. Le texte veut donner un statut aux beaux-parents, ils auront désormais une place dans le code civil. On connaît le calendrier des réductions d'impôts. Elles vont s'appliquer jusqu'en 2017, selon le ministre des Finances, Michel Sapin. 1 800 000 foyers modestes vont sortir de l'impôt sur le revenu dès cette année. L'équipe de France de football entame aujourd'hui sa préparation pour le mondial. Les premiers bleus sont attendus en fin de matinée à Clairefontaine, dans les Yvelines. Le festival de Cannes avec aujourd'hui David Cronenberg qui dévoile Maps to the Stars, une satire du système hollywoodien. Le second film présenté est Foxcatcher de l'américain Bennett Miller sur deux champions de lutte. Agnès Soubiran. Nous vous avions parlé à l'automne dernier sur France Info d'un service spécial de la Croix-Rouge française chargé de rétablir les liens familiaux. Un service qui tente de retrouver les membres d'une même famille, séparés au gré des migrations. Des histoires parfois tragiques, car les naufrages de bateaux clandestins sont fréquents. La semaine dernière encore, 17 cadavres ont été repêchés au large des côtes libyennes. Mais parfois, l'histoire se finit bien. Bonjour Mathilde Lemaire. Bonjour. Vous nous aviez présenté ce service donc il y a quelques mois et ce matin, vous nous racontez l'histoire d'une mère et de son fils séparés au moment de la traversée de la Méditerranée. C'était il y a 2 ans. Ils viennent tout juste de se retrouver à l'aéroport d'Orly. Oui, elle s'appelle Khadija. Elle a 42 ans. Nous faisons sa connaissance dans le hall des arrivées à Orly. Bijoux, maquillage, elle s'est fait toute belle car elle vient chercher enfin son petit garçon, Ridji, perdu de vue en 2012 sur une plage du Maroc au moment où des passeurs les faisaient monter dans des zodiacs. Ridji avait 5 ans ce jour-là, il en a 7 aujourd'hui. Ultime instant d'attente avant de le retrouver, Khadija forcément est pleine d'appréhension. J'ai peur de quelque chose, je ne sais pas comment expliquer. La joie, la peur, je suis stressée. Khadija, stressée, profite de cette attente interminable à Orly pour nous raconter son périple commencé en 2000 quand elle fuit la guerre dans son pays, le Congo-Kinshasa. C'était la guerre civile. Moi, j'étais enlevée, les rebelles m'avaient violée pendant 8 jours. Je me suis évadée. Après, on marchait des kilomètres à pied jusqu'à la Centrafrique. Après, en voiture jusqu'à Alger. J'ai accouché mon fils Ridji là-bas en Algérie. Kinshasa, Alger, une interminable migration. Cela fait près de 5000 kilomètres. Oui, plus de 3 ans sur la route, à travers la Centrafrique, donc le Tchad, le Cameroun, le Niger, la brousse, le désert. Khadija nous confie sa vie de misère, ensuite réfugiée en Algérie pendant 5 ans, puis sa décision de partir, tenter sa chance en Europe avec son fils. Des heures de marche dans les montagnes avec des passeurs qui lui avaient demandé 500 euros, puis l'arrivée de nuit sur une plage du Maroc où a eu lieu la terrible séparation au moment donc de traverser la Méditerranée. Comme j'étais fatiguée, il y avait un monsieur qui m'avait aidé à porter l'enfant. On est arrivé à la bord de mer, mon fils. J'ai pensé qu'il était derrière moi, or ils étaient devant. Le début du groupe était passé, la fin du groupe était arrêtée par la police. Lui a pu partir, moi je me suis restée. Je croyais que j'ai perdu mon fils pour toujours. Ça a été trop dur pour moi. Je voulais même me suicider. Ridji, le petit garçon de 5 ans, a en fait été secouru, puis placé dans un foyer pour mineurs isolés à Melilla, enclave espagnole au Maroc. Il y a passé 2 années. Khadija, anéantie par la perte de son fils, a fini par réussir à gagner l'Europe. Elle s'est installée en banlieue parisienne. Alors Mathilde, comment ces retrouvailles ont-elles été possibles ? C'est la Croix-Rouge espagnole qui, depuis Melilla, a enquêté pour localiser Khadija. Des avis de recherche ont été lancés à toutes les Croix-Rouges d'Europe et notamment la Croix-Rouge française qui l'a retrouvée. Amel Khalifa, l'une des salariées de la Croix-Rouge française, raconte. C'est presque 2 ans de démarches administratives très lourdes, beaucoup d'obstacles à dépasser, beaucoup de déceptions par moment quand nous n'avons pas le feu vert des autorités et puis nous avons finalement obtenu le sésame, laissez-passer consulaire. Donc voilà, c'est un travail de fourmi et un travail qui paye. Au final. Il a même fallu procéder à des tests ADN pour prouver que Ridji était bien le fils de Khadija. Alors tous ces obstacles placés, Mathilde, voilà, ça y est, on y est, l'aéroport d'Orly, vous avez assisté à ces retrouvailles, comment se sont-elles passées ? Oui, Khadija n'a qu'un titre de séjour provisoire, elle n'a donc pas pu aller elle-même en Espagne chercher son fils Ridji, des salariés de la Croix-Rouge y sont allés pour elle. Et c'est donc à l'aéroport que se produit ce moment très fort, l'enfant reconnaît sa mère derrière la baie vitrée, il court vers elle, les portes automatiques s'ouvrent et dans un silence troublant, ils se prennent dans les bras. Khadija a le visage trempé de larmes. Enfin, ce sont des larmes de joie. Avant, c'était les larmes de tristesse. Enfin, enfin, j'ai récupéré mon fils. Il est là avec moi. Mon rêve est devenu réalité. Il a grandi. Il est beau petit garçon. C'est la fin des cauchemars. Pour moi, aujourd'hui, ma vie commence. Le petit garçon est un peu perdu. 2 ans dans un foyer de l'enfance à Melilla. Il ne parle plus français, mais espagnol. Reggie a aujourd'hui presque 7 ans. Je suis content de voir ma mère. C'est un grand jour. J'ai pris 2 avions pour arriver ici. Dans l'avion, j'ai pleuré, mais après, j'étais content d'être là. Ma mère m'a serré fort contre son cœur. Maintenant, je veux aller à l'école et jouer au foot. Reggie va réapprendre le français et aussi faire connaissance avec sa petite sœur. Née pendant ces 2 années de séparation, très vite à l'aéroport, les 2 enfants se mettent à jouer ensemble. La mère, les 2 petits, tous les 3 repartent. Ils vont vivre dans une chambre d'hôtel 9 mètres carrés en lointaine banlieue. À l'étroit, oui, mais ensemble. Merci Mathilde Lemaire et nous poursuivons cette belle histoire très émouvante avec Aurélie de Gorostardzou. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez le service du rétablissement des liens familiaux à la Croix-Rouge. Ces retrouvailles qu'on vient d'entendre, on imagine, sont l'aboutissement d'un très long travail. Quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez dans vos recherches? Oui, vous avez tout à fait raison, ça prend beaucoup de temps. Plusieurs années. Une recherche peut durer en moyenne 2 ans. Dans certains cas, ça peut être beaucoup plus long. Il est rare que ça soit plus court, même si ça arrive de temps en temps. Et c'est vrai que les retrouvailles sont le fruit d'un long processus. Nous commençons déjà par faire des recherches sur le terrain, et c'est vraiment l'objet de notre métier, c'est faire des recherches de façon à permettre de retrouver et de remettre en contact des familles qui ont été séparées pour des causes de conflits armés, qui ont fui leur pays, pour des causes de catastrophes naturelles ou d'autres situations de migration, donc vraiment des situations humanitaires difficiles. Donc la façon dont nous procédons est la suivante. Nous recevons les personnes en France qui sont sur leur territoire français et nous enregistrons leurs demandes. Nous essayons de documenter au maximum toutes les informations permettant de retrouver leurs proches à l'étranger, en Europe ou ailleurs. Suite à ça, nous envoyons ces demandes à nos homologues sur le terrain. Vous appuyez sur le réseau des Croix-Rouges. Hein. Oui, tout à fait. Il y a aujourd'hui 189 Croix-Rouges et Croissants-Rouges dans le monde et nous nous reposons aussi sur le comité international de la Croix-Rouge dans les zones de conflit. Et donc ce sont nos homologues sur le terrain, salariés et bénévoles, qui font les recherches. De même, nous sommes amenés en France à faire des recherches comme nous sommes contactés par nos homologues Croix-Rouge et Croissant-Rouge de l'étranger, ce qui a été le cas aussi pour cette histoire. Et dans ce cas-là, nous menons des enquêtes de terrain grâce à nos bénévoles. Aujourd'hui, nous avons 15 de bénévoles, notamment à Lyon, Rennes, Marseille et Toulouse. Nous contactons aussi les autorités et je tiens vraiment à insister sur le fait que toutes les informations que nous possédons et que nous traitons sont traitées de manière confidentielle. Donc en aucun cas, nous ne publierons, nous dévoilerons de quelconques informations permettant les recherches si cela va à l'encontre du désir de la personne, bien entendu. C'est essentiel, notamment dans le cadre des personnes qui sont en situation de migration, voilà, en France et qui peuvent nous contacter. Nous traitons ces demandes de façon confidentielle et nous avançons sur des œufs parfois, de façon à pouvoir rechercher des personnes qui pourraient être quelque part en France ou ailleurs en Europe. Et c'est vraiment un travail de réseau avec nos collègues européens. Sur l'ensemble des dossiers que vous traitez, quel est le pourcentage de réussite? Parce que là, on a de belles retrouvailles, mais on imagine que c'est pas toujours le cas. Alors, parler de réussite, c'est difficile parce que derrière ces 800 demandes que nous traitons aujourd'hui à la Croix-Rouge française, il y a autant de situations dramatiques et familiales. Et je tiens d'abord à souligner qu'un dossier n'est jamais fermé. En fait, une fois que la demande est déposée à la Croix-Rouge, la demande reste. Donc nous avons des demandes qui sont là depuis des dizaines ou des vingtaines d'années. Nous recherchons activement, en exploitant toutes les informations en notre possession, pendant 2 ans. Au-delà d'un délai de 2 ans. Après, le dossier est en veille. Le dossier est en veille, exactement. Et donc, vous me disiez à peu près un tiers des dossiers aboutissent. Parfois, pas toujours de façon heureuse, mais vous avez des nouvelles. Et combien de personnes travaillent aujourd'hui en France dans ce service? Alors, nous sommes un petit service. Nous sommes 7 salariés. Et depuis combien de temps est-ce que ce service existe? Ce service existe en tant que tel. Il a été créé après la Seconde Guerre mondiale à la Croix-Rouge française. Mais en fait, notre mission remonte à bien plus loin que ça. La Croix-Rouge française a aujourd'hui 150 ans. Oui, on a fêté l'anniversaire. Exactement. Et le service de rétablissement des liens familiaux a 150 ans aussi, parce que c'est une mission, une des premières missions à laquelle s'est attaché Henri Dunant, qui sur le champ de bataille a non seulement secouru les blessés, mais a aussi transmis des nouvelles à leurs familles et a permis de rechercher et de remettre en contact ces familles. Donc c'est vrai que que notre mission a 150 ans aujourd'hui comme la Croix-Rouge. C'est effectivement une des missions de la Croix-Rouge. Merci beaucoup Aurélie de Grosstartout d'avoir été ce matin en direct sur France Info. Le Zoom est à réécouter sur franceinfo.fr. Le journal du festival sur France Info. Et sur la croisette, Florence Leroy est aujourd'hui avec deux réalisateurs en lice pour la Palme d'Or, le Canadien David Cronenberg et l'Américain Tommy Lee Jones. Et avec ces deux cinéastes, c'est l'Amérique dans tous ses états sur les écrans cannois, car ces deux films sont comme deux tableaux violents de l'Amérique d'hier et d'aujourd'hui. D'un côté donc Maps to the Star, la satire sur Hollywood de David Cronenberg, et de l'autre The Homesman, le western féminin de Tommy Lee Jones. Are you an angel? Help me. Suppose I do. Et c'est dans l'Ouest américain du 19e siècle que nous embarque Tommy Lee Jones pour un périple douloureux à travers des plaines sublimées, le périple de trois femmes rendues folles par la violence de l'Ouest, ces femmes de pionniers que la légende de la conquête a souvent oubliées et que le cinéaste fait revivre. C'est la grande qualité de ce film, même s'il s'éparpille un peu, s'il perd son sujet, ce qui lui a d'ailleurs valu un accueil partagé lors de sa présentation en compétition hier. Restent ces personnages de femmes surgis du passé sur lesquels le cinéaste s'est beaucoup documenté. Il y a un livre, notamment, qui traite spécifiquement de la folie, essentiellement chez les femmes, au 19e siècle. C'est dans ce livre que l'on a appris quel traitement leur était infligé. Par exemple, on pensait à l'époque que pour soigner la schizophrénie, il fallait leur plonger la tête dans de l'eau glacée pendant 8 heures. Et bien sûr, la maladie empirait. On est aussi parti de photographies pour connaître l'architecture, savoir à quoi ressemblait alors le Nebraska, comment on construisait des maisons dans une zone où il n'y avait pas d'arbres. Et en fait, elles étaient construites avec des briques de boue. Ce n'était donc pas un endroit très accueillant pour ces femmes de l'ère victorienne. Le film est une exploration de l'histoire américaine, de la conquête de l'Ouest. On n'a même pas pensé au western ou au film de genre, juste à faire un film sur l'histoire américaine de notre point de vue. Et en même temps que Tommy Lee Jones livrait ainsi sa vision de l'histoire américaine, un peu plus loin sur la croisette, le Canadien David Cronenberg commentait lui la véritable satire d'Hollywood qu'il livre dans Maps to the Star en compétition aujourd'hui. Ce film, en effet, est une comédie féroce et cruelle sur l'usine à rêve et ses dérives, ses actrices névrosées, ses enfants stars totalement cyniques, ses gourous et ses analystes, son obsession de la réussite et de l'argent, et c'est du très bon Cronenberg, à la fois hilarant et totalement désespéré, car comme il le souligne, Hollywood fonctionne là comme un microcosme, un concentré de l'Amérique d'aujourd'hui et de l'Occident. Although this movie takes place in Hollywood, it could take place on Wall Street. Ce film se passe à Hollywood, mais il pourrait se passer à Wall Street ou dans le secteur de l'informatique. Dans tous les endroits où il y a beaucoup d'ambition, de pouvoir, de désespoir et d'avidité, toutes ces choses, la course effrénée à la célébrité, ce n'est pas qu'à Hollywood. Ça existe sur Internet ou ailleurs, et ça sert de révélateur sur la condition humaine. Aspects of the human condition. Et vous en donnez une vision plutôt sombre dans ce film, sombre mais aussi souvent très drôle. Oui, je pense qu'il y a toute une part de l'existence humaine qui prête à rire. On peut parler d'absurde, d'une comédie de l'absurde, du théâtre de l'absurde. Si on a une certaine conscience de ce qu'est l'existence, il est inévitable de rire de beaucoup de choses. Ajoutons que dans ce film reviennent, comme une incantation, les vers d'un célèbre poème de Paul Éluard que le cinéaste a accepté de nous dire en français. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un nom, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté. À Cannes, Florence Leroy, France Info. Voilà, nous sommes un peu attardés à Cannes, du coup il est 10h31 sur France Info. Et tout de suite, C'est un nouveau journal avec Simon Le Baron. Bonjour Simon. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Jérôme Kerviel derrière les barreaux. L'ancien trader doit purger une peine de 3 ans de prison ferme. On retrouve notre envoyée spéciale Sandrine Etoa-Andeg. Sandrine, Jérôme Kerviel a été écroué ce matin à la maison d'arrêt de Nice. Le commissariat, le parquet, la prison, procédure classique. Après un week-end plus rock'n'roll pour Jérôme Kerviel, l'ex-trader est effectivement incarcéré actuellement à la maison d'arrêt de Nice. Il doit y rester jusqu'à nouvel ordre. Nice, où il est arrivé un peu avant 9h ce matin, à bord d'un fourgon de police, fourgon parti du commissariat de Menton, où l'ex-trader a passé la nuit. À la sortie du commissariat tout à l'heure, Jérôme Kerviel avait l'air souriant, il n'a rien dit, mais a fait un signe de la main aux quelques membres de son comité de soutien venu sur place. La prison, après une interpellation éclair hier soir à minuit, quelques mètres après la frontière franco-italienne, et après avoir laissé planer le doute sur ses intentions, se rendre ou pas, passer la frontière, rester en Italie tout le week-end. À Menton, Marcos Daras, Sandrine Etoa-Andeg, France Info. Son ex-épouse Anne Sinclair avait déjà dit son dégoût. Dominique Strauss-Kahn lui va porter plainte pour diffamation contre le film d'Abel Ferrara, Welcome to New York. Ça sera fait dans quelques jours, dit son avocat ce matin. Welcome to New York, avec Gérard Depardieu dans le rôle principal, a été projeté samedi en première mondiale en marge du Festival de Cannes. Le film s'inspire de l'affaire du Sofitel. Vous pouvez l'acheter si ça vous intéresse sur plusieurs plateformes internet. 1 million d'enfants sont concernés, ceux qui vivent dans les centaines de milliers de familles recomposées en France. Les députés examinent aujourd'hui la proposition de loi sur l'autorité parentale et l'intérêt de l'enfant. Le texte prévoit notamment d'accorder de nouveaux droits aux beaux-parents pour faciliter les démarches de la vie quotidienne. Laetitia Saavedra. La principale nouveauté, la plus polémique aussi, c'est le mandat d'éducation quotidienne. Pour les enfants qui vivent dans une famille recomposée, les parents pourront, d'un commun accord, reconnaître le rôle du beau-parent. Beau-parent qui pourra ainsi aller chercher l'enfant à l'école, signer son carnet de notes ou l'amener chez le médecin. Mais beaucoup de parents sont très réservés sur cette proposition. Autre nouveauté, la résidence de l'enfant sera fixée au domicile de chacun des parents, une mesure symbolique pour éviter l'effet droit de visite pour le parent qui n'en a pas la garde. Mais attention, cela ne signifie pas pour autant que la garde alternée sera imposée. Les parents se répartiront le temps de garde à leur convenance. Le texte réaffirme également qu'il faudra l'autorisation de l'autre parent en cas d'événement important, comme le déménagement ou le changement d'école. À cela s'ajoute une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 euros si l'autorité parentale est entravée ou si un parent n'exerce pas son droit de visite. Laetitia Saavedra. Le Premier ministre Manuel Valls avait annoncé la semaine dernière une réduction d'impôts pour les plus modestes. Le ministre des Finances précise le calendrier. Michel Sapin assure que ce geste fiscal s'appliquera jusqu'en 2017. Cette mesure doit permettre à 1 800 000 foyers de ne pas payer d'impôts cette année. Des SDF assignent en justice une association qui les a accueillis cet hiver. Ces sans-abri installés à Villeurbanne, près de Lyon, ont refusé de quitter les lieux à l'issue du plan froid. L'audience est prévue aujourd'hui, Maurice Fusier. Dans ce quartier de Villeurbanne, des sans-abri accueillis cet hiver devaient partir le 31 mars dernier, mais une trentaine d'entre eux refusent de quitter les lieux et ils ont même décidé d'attaquer en justice l'association Hôtel Social qui les a hébergés pendant l'hiver. Et parmi ceux-ci, une jeune Roumaine, Elena, mère de 3 enfants. On se débrouille avec faire la manche parce qu'on travaille pas, mais on cherche du travail. Depuis 1er janvier, on est inscrit en Pôle emploi pour trouver du travail. On veut être régularisé ici comme les autres. Est-ce que vous comprenez le fait que cette association vous a aidé pendant tous ces mois et puis qu'aujourd'hui vous allez les attaquer devant le tribunal? Vous trouvez que c'est normal? La loi, c'est le droit d'avoir une proposition ou quelque chose pour logement. Évidemment, colère et incompréhension pour la présidente de l'association Hôtel Social, Martine Rour. J'avoue que les bras m'en sont tombés. D'ailleurs, c'est la première fois en France qu'une association est assignée en justice parce que nous sommes en fait mandatés par la préfecture pour accueillir, en effet, pendant le plan froid, des personnes qui sont à la rue. Donc ce que je crains, c'est qu'il n'y ait plus le moyen de faire de plan froid l'année prochaine. De son côté, le Grand Lyon a assigné en justice ses SDF pour occupation illégale. L'audience aura lieu également ce lundi. Lyon, Maurice Fusier, France Info. Il est 10h36. Le président russe Vladimir Poutine ordonne la fin des exercices militaires près de la frontière avec l'Ukraine. Ce retrait intervient 6 jours avant l'élection présidentielle anticipée de dimanche. Kiev exige de son côté que la Russie retire immédiatement ses troupes de l'est du pays. Dans l'est, justement, un soldat ukrainien a été tué et 3 autres blessés. Ce matin, des insurgés pro-russes embusqués dans une école maternelle les ont attaqués près de Slaviansk, bastion séparatiste. Les inondations dans les Balkans menacent désormais une centrale thermique. C'est l'ouvrage le plus important de Serbie, d'après le Premier ministre. Il produit la moitié de l'électricité du pays. Ces intempéries sont les plus graves depuis plus d'un siècle dans la région. Au moins 44 personnes sont mortes, notamment en Serbie, donc, mais également en Bosnie. La Colombie en deuil. Un autocar qui transportait des enfants a pris feu dans le nord du pays. 31 d'entre eux sont morts brûlés vifs. 24 autres enfants sont grièvement blessés. On ne connaît pas encore les causes de l'accident. Les États-Unis appellent à la libération immédiate des otages au Mali. 30 fonctionnaires sont retenus dans la région de Kidal, dans le nord du pays. Des affrontements entre des militants séparatistes et l'armée ont par ailleurs fait 36 morts ce week-end. Imaginez une créature haute comme un immeuble de 7 étages. Pas celle d'un film de science-fiction, non, mais bien réelle. Un gigantesque dinosaure vient d'être découvert en Argentine, un fossile évidemment. C'est le plus grand jamais mis au jour, Grégoire Poutrier. C'est souvent par hasard que l'on fait les découvertes les plus spectaculaires. Quand un paysan du Chubut, à plus de 1000 km au sud de Buenos Aires, a mis à jour en 2011 un énorme fossile de 2,40 m, il ne se doutait pas pour autant que les fouilles allaient finalement excaver les restes quasi complets d'un quadrupède gigantesque. 40 mètres de long pour 20 mètres de haut, ce dinosaure serait ainsi le plus grand jamais observé dans le monde. Les paléontologues argentins estiment aujourd'hui que ce sauropode herbivore vivait il y a au moins 90 millions d'années. Son mode de vie pourra être largement reconstitué grâce aux nombreux fossiles découverts sur le même site, notamment les restes de 6 autres dinosaures plus petits et plus jeunes. Plusieurs dizaines de dents ont aussi été déterrées, mais celles-ci auraient appartenu à des Tyrannotitans, des carnivores qui pourraient donc être à l'origine de la disparition du sauropode. À Buenos Aires, Grégoire Portier pour France Info. À un peu plus de 3 semaines du mondial de football au Brésil, les Bleus entament leur préparation en ce début de semaine. Les joueurs de l'équipe de France vont arriver au compte-gouttes à partir d'aujourd'hui à Clairefontaine. Un rassemblement que ne verra pas Steve Mandanda, le gardien de l'OM et gardien numéro 2 des Bleus, est blessé au cervical. Il est remplacé dans la liste des 23 par le Stéphanois Stéphane Ruffier. En tennis, Novak Djokovic a battu Rafael Nadal hier en finale du tournoi de Rome. Victoire en 3-7, 4-6, 6-3, 6-3. C'est la 4e victoire de suite pour le Serbe face à l'Espagnol. Il était une légende des circuits du temps où la Formule 1 n'avait pas grand-chose à voir avec ce que l'on connaît aujourd'hui. L'ancien pilote Jack Brabham est mort à l'âge de 88 ans des suites d'une longue maladie. L'Australien avait remporté 3 titres de champion du monde en 59, 60 et 66. L'Amérique du Nord a l'honneur aujourd'hui au Festival de Cannes. 2 films sont en compétition, celui du Canadien David Cronenberg, Maps to the Stars, une critique féroce d'Hollywood, et celui de l'Américain Bennett Miller, The Foxcatcher, l'histoire vraie de la relation improbable entre un milliardaire excentrique et 2 champions olympiques de lutte. Il est 10h30 sur France Info. Vous retrouvez Agnès Soubiran. Merci Simon. À suivre, la réouverture de la piscine Molitor à Paris. Ça tombe bien parce qu'il fait encore beau à Paris. Profitez-en, ça ne va pas durer. Reportage donc dans une 20aine de minutes, mais tout de suite les prévisions météo de Jean-Michel Golinski. France Info Météo, avec la MACSF, assureur mutualiste, propose une complémentaire santé individuelle et collective conçue avec des professionnels de la santé pour les professionnels de la santé. Un temps maussade autour de la Méditerranée, orageux cet après-midi près de l'océan. Ailleurs, l'ambiance sera quasi estivale avec du soleil, des températures élevées de l'ordre de 26 degrés sur le nord, le nord-est, le bassin parisien, le centre et le Limousin. En Midi-Pyrénées, le soleil va également briller, mais le temps de plus en plus fort va souffler vers 90 km à l'heure en rafale en fin de journée, notamment sur le Lauragais et le sud du Tarn. Il fera entre 23 et 25 degrés des Pyrénées aux rives de la Garonne. Sur la façade océanique, il va également faire chaud, jusqu'à 27 degrés cet après-midi à Bordeaux et à Cognac, 26 du Poitou à l'intérieur de la Bretagne et sur la basse Normandie, avec pour la fin de l'après-midi une menace orageuse pour toutes ces régions de l'ouest. Et dans le quart sud-est, les pluies qui remontent de Méditerranée touchent ce matin la Corse, le Languedoc et la Provence, avec du vent vers 70 km à l'heure et de l'orage sur les Alpes frontalières. Au fil des heures, ce temps perturbé va gagner vers l'Auvergne et Rhône-Alpes. Les températures ne dépasseront pas 22 degrés cet après-midi à Lyon et Ajaccio, 20 à Toulon et 18 sur Nîmes et Montpellier. Tout info, tout écho. Bonjour Emmanuel Cuny. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Qui de l'allemand Siemens ou l'américain General Electric décrochera le français Alstom? Chacun des prétendants continue à placer ses pions et on devrait en savoir plus dès cette semaine sur les intentions de Siemens, Emmanuel. Oui, le groupe pourrait abattre ses cartes dans les prochains jours, dit-on peut-être d'ici la fin de la semaine. Mais il convient de rester prudent car nous sommes là engagés dans une course à la communication entre communiqués officiels, fuites bien orchestrées et rumeurs savamment distillées. On est exactement dans la même configuration que dans le dossier Bouygues SFR numéricable. Personne n'a dit son dernier mot. Plus les jours vont défiler, plus la communication va enfler et les infos ou intox se multiplier. Il convient donc de garder la tête froide. Alors une fois cette mise en garde entendue, où en est le dossier ce lundi matin? Alors pour l'instant, les jeux restent ouverts. Alstom, qui préfère l'option General Electric, entrera en négociations exclusives avec l'américain le 2 juin prochain. D'ici là, donc d'ici le 2 juin, d'autres offres peuvent être étudiées. Selon les dernières informations du week-end, Siemens travaillerait désormais à une proposition d'échange d'actifs avec Alstom. Il s'agirait de créer deux champions nationaux, l'un dans les transports, l'autre dans l'énergie. Côté transport, Siemens, qui fabrique l'ICE, l'équivalent du TGV français, proposerait de transférer au groupe français l'ensemble de ses actifs ferroviaires élargis aux trams et aux trains et de créer parallèlement une co-entreprise dans le domaine de la signalisation. Et du côté de la branche énergie? Alors dans le cas où Siemens remportait la mise face à General Electric, eh bien l'Allemand revendrait l'éolien et le nucléaire d'Alstom à Areva. Siemens laisserait également l'État français se renforcer au capital d'Alstom pour lui permettre de garder un œil sur l'avenir stratégique de l'entreprise. L'État pourrait ainsi monter jusqu'à 10% dans Alstom contre 0,9% actuellement via la Caisse des dépôts. Ces options sont-elles crédibles, Emmanuel? En tout cas, elles sont très révélatrices. La candidature de General Electric, on le voit, est ressentie par l'allemand Siemens comme une attaque directe dans son précaré européen. Donc Siemens montre les dents et se dit prêt à aller plus loin que son offre initiale. Deux, attention au doublon. ICE allemand plus TGV français, les deux peuvent-ils cohabiter en termes d'offres de matériel et en termes d'emploi? Rien à voir avec l'alliance Renault-Nissan, qui elle était complémentaire sur tous les tableaux. Trois, qu'en est-il de la réelle volonté politique allemande d'aller vers cette option? Angela Merkel semble plutôt en retrait, elle attend de voir. Quatre, Siemens valorise la branche énergie d'Alstom à environ 11 milliards d'euros. Pourquoi les actionnaires du groupe français la préféreraient à celle de 12 milliards proposée par General Electric? Enfin, confier l'éolien et le nucléaire d'Alstom à Areva est-elle la meilleure solution pour gagner les marchés de demain en Chine et aux USA où General Electric est déjà implanté? Bref, beaucoup de questions, on le voit, restent en suspens ce matin. On sait que Paris privilégie l'offre de Siemens. Oui. L'activisme d'Arnaud Montebourg va-t-il permettre à l'État d'obtenir gain de cause? En mettant la pression, Arnaud Montebourg a fait monter les enchères. Faut-il pour autant parler de stratégie industrielle? Non. Comme le constate un autre acteur de premier plan à Bercy, quand les Allemands font de la politique industrielle, ils préfèrent la faire à voix basse. Arnaud Montebourg a fait un autre choix. Quant à la décision finale, elle reviendra évidemment aux actionnaires d'Alstom, groupe privé et à eux seuls. Aucun effet de manche ne pourrait s'y opposer. Merci Emmanuel Cuny. À demain. France Info, la Minute Média. Ils avaient 17 ou 18 ans en 1940 et se sont engagés dans la résistance. La nouvelle série de TF1 suit le parcours de Lily, René et Jeannot, des adolescents qui vont brutalement entrer dans l'âge adulte. César Dombois incarne l'un de ces jeunes résistants. On devrait se battre pour que la fin de cette guerre arrive vite. Et comment tu veux faire? Moins on a d'attache, plus on se bouge. Moins on a à perdre, plus on se risque. Je me suis dit que s'il risquait sa vie pour son pays, je pouvais faire pareil. Je crois que ce qu'il y a d'intéressant avec René, c'est qu'il est dans un paradoxe. En fait, il est vraiment un petit gars qui sort de l'adolescence pour devenir un homme. Et du coup, il y a plein de choses qui se mélangent chez lui. Il est très spontané et très insouciant. Et d'un autre côté, il est très protecteur et il est très conscient politiquement. Il s'appelle de la résistance, mademoiselle. Non, c'est du patriotisme. Mais tu es tout petit, toi, pour jouer au grand, t'as quel âge? Là, je n'ai jamais arrêté les balles. Voilà, moi, c'est le plus beau rôle que j'ai eu à jouer jusque-là. Ça me plaisait de raconter une histoire vraie, soit, mais surtout qui a eu un impact aussi important sur l'histoire de notre pays. J'avais le sentiment qu'il fallait qu'on rende hommage ou qu'on rende quelque chose, quoi, voilà, à ceux qui s'étaient battus. Résistance à 20h50 sur TF1. Il est 11h moins le quart. Les titres de l'actualité sur France Info, Simon Le Baron. Jérôme Kerviel est en prison. Il a été incarcéré ce matin à la maison d'arrêt de Nice. L'ancien trader de la Société Générale doit purger une peine de 3 ans de prison ferme. L'avocat de Dominique Strauss-Kahn l'a annoncé ce matin. L'ancien directeur du FMI va porter plainte pour diffamation contre Welcome to New York. Le film d'Abel Ferrara avec Gérard Depardieu s'inspire de l'affaire du Sofitel. Il a été projeté samedi soir en marge du Festival de Cannes. Le premier ministre Manuel Valls, la ministre de l'écologie Ségolène Royal et celui de l'économie Arnaud Montebourg vont se réunir pour faire le point sur le dossier Alstom. Pour l'instant, seul l'américain General Electric a fait une offre pour le rachat de la branche énergie du groupe français. Un terrible accident de la route en Colombie. 31 enfants sont morts brûlés vifs. L'autocar qui les transportait a pris feu. Cela s'est passé dans le nord du pays. On ne connaît pas encore les causes de l'accident. C'est mon boulot, la chronique sur France Info consacrée au monde du travail avec Philippe Duport. Bonjour Philippe. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Dans les universités et les grandes écoles, les jeunes en fin d'études sont en pleine cogitation sur leur avenir. Quel métier choisir? Quel emploi chercher? Une méthode est en train de conquérir de nouveaux adeptes. Elle est efficace et ne coûte presque rien. Il s'agit de la co-orientation. La co-orientation, vous savez que c'est une période clé en ce moment, avoir un peu une période d'angoisse pour les étudiants en fin de formation, qu'ils soient à la fac ou en grande école. C'est l'heure pour eux de chercher un véritable blanc emploi. Et malgré souvent les stages et les projets qu'on en a plus ou moins selon qu'on est en fac ou dans une grande école, eh bien, ça reste souvent l'inconnu. Il y a tellement de nouveaux métiers, tellement de différences d'un groupe à un autre, grand groupe, grande ville, France, étranger, tellement de secteurs, que ce choix n'est pas si évident que ça. Voilà, Isabelle Liotta travaille à Mines Paris Tech et même dans son école très cotée, elle a vu beaucoup d'étudiants perdus et prêts à s'engager à reculons sur une voie qui n'est pas vraiment faite pour eux, sur en fait des préjugés ou des idéaux. Alors là, je me suis dit, il faut un concentré qui leur permet dans un temps limité et au bon moment d'identifier, de repérer l'environnement de travail dans lequel ils vont s'épanouir et de valider leur choix par une démarche réseau en allant sur le terrain. Interroger des gens qui font ce métier. Elle a donc mis au point une méthode, la co-orientation. C'est une démarche inspirée de ce qu'elle a vu aux États-Unis et au Canada. Ça se passe par petits groupes. Ce sont des groupes de 5-6 étudiants qui se réunissent 5 fois 2 heures, donc 10 heures au total, et qui sont animés par un coach. Et ils vont commencer effectivement à dessiner leurs idéaux, leurs rêves, pour aller progressivement sur des métiers et voir un petit peu quelles sont les représentations qu'ils en ont derrière. Ils définissent dans une troisième séance des hypothèses de cibles professionnelles et ensuite, c'est le véritable parcours initiatique sur la démarche réseau, ils vont réaliser des interviews sur des personnes qui correspondent à leur cible professionnelle a priori et ils vont vérifier que ça correspond bien à leur rêve. Et dans le groupe, les étudiants sortent de leur questionnement solitaire face à l'avenir. Chacun apporte sa contribution et son regard sur ce que l'autre pourrait faire dans la vie. L'idée, c'est d'élargir aussi les possibles. C'est de se dire, tiens, les hypothèses que j'avais émises ne correspondent pas vraiment à ce que je suis ou à ce dont j'ai envie. Et d'autre part, c'est de dire, tiens, j'avais pas envisagé ça, il existe d'autres choses. Et je découvre que finalement, il y a d'autres environnements de travail qui peuvent m'attirer. Et du coup, cette méthode, la co-orientation, en allant voir comment un métier s'exerce au quotidien sur le terrain, eh bien, peut amener certains étudiants à complètement changer d'objectif. Par exemple, certains avaient mis dans leur choix préférentiel, première hypothèse, je veux rejoindre le secteur de l'aéronautique et c'est leur rêve d'enfance, etc. Et en allant se confronter un petit peu à l'environnement de ce domaine, ils se rendent compte que finalement ça ne leur correspond pas complètement, ils se sont orientés vers d'autres voies. En l'occurrence, là, c'était vers la propriété industrielle, par exemple. Et une autre, à une ancienne des mines, se croyait faite pour le luxe. Elle a déchanté dans un grand groupe, pourtant hyper tendance. Elle s'est retrouvée du coup dans l'automobile chez PSA. Et puis tel autre étudiant se pensait destiné aux grandes entreprises. Finalement, il a découvert qu'il était fait plutôt pour l'ambiance des start-up. Alors voilà, pour Isabelle Liotta, cette méconnaissance des métiers, ça va plus loin parce que ça peut carrément être un facteur aggravant pour le chômage des jeunes. Moi, j'en suis intimement convaincue, ils seraient beaucoup plus enthousiastes, beaucoup plus dynamiques et ils arriveraient à convaincre plus facilement et aisément. Et je pense que ça pourrait être à tous les niveaux, quel que soit le niveau d'études, un élément pour effectivement réduire le chômage. Voilà, Isabelle Liotta de l'école Mines Paris-Tech qui a donc mis au point cette méthode de la co-orientation. Voilà, et on leur souhaite bon courage à tous parce qu'effectivement, c'est une période qui n'est pas facile. Philippe, 45 ans, l'âge à partir duquel on est considéré comme un senior. Et surtout, l'âge à partir duquel le nombre des années commence à être un frein à l'embauche. Selon le baromètre de l'association À Compétences Égales qui lutte contre les discriminations à l'embauche, plus de la moitié des entreprises et des cabinets de recrutement interrogés reconnaissent qu'ils hésitent à recevoir en entretien les plus de 45 ans. Principale crainte, le niveau de salaire, la difficulté à manager et le temps restant à travailler. Et puis, sans rapport direct, 70% des Français se disent gênés pour négocier leur salaire au moment de l'embauche. Seulement une personne sur 8 assure en parler sans peine. Les plus à l'aise avec la question sont les Indiens, selon ce sondage réalisé dans plusieurs pays par Monster. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, eh bien, les Américains sont également près de 60% à être gênés par la question. Oui, les Américains qu'on imagine souvent décomplexés, par rapport à finalement, l'argent. Apparemment pas. Merci beaucoup Philippe Duport, à demain. Et C'est mon boulot est à retrouver sur franceinfo.fr. France Info, le 10-12, Agnès Soubiran. C'est un monument de l'histoire parisienne qui renaît de ses cendres aujourd'hui. La piscine Molitor, inaugurée en 1929, fermée en 1989 car devenue insalubre, rouvre après 3 ans de travaux. L'aspect art déco a bien été gardé, mais de nouveaux étages ont été construits pour accueillir 124 chambres d'hôtel 5 étoiles. Et le luxe, c'est bien ce qui prévaut aujourd'hui dans la nouvelle piscine. Noémie Bonin, pour pouvoir faire trompette, il faudra d'une part être parrainé et d'autre part payer très cher. Cher, très cher, mais 1 200 € de droit d'entrée, 3 300 € ensuite l'abonnement annuel. Pour Julien, c'est clair, pas question d'aller y tremper les pieds. Ah, la piscine Molitor, non, vu les prix d'accès, je ne pense pas, non. C'est un des nombreux nageurs dans le quartier, il est dégoûté. Je trouve ça assez dommage, d'une part parce qu'il n'y a pas énormément de piscines dans Paris, et puis d'autre part parce que c'est quand même un monument historique et que du coup il ne sera accessible qu'à un nombre de privilégiés, donc c'est regrettable. Du côté de la nouvelle piscine, on ne comprend pas bien la critique. Vincent Mézard est le jeune directeur de l'établissement. Pour devenir membre du club, on demande un parrainage. Aujourd'hui, on a déjà plus d'une centaine de membres. Et si quelqu'un souhaitait devenir membre du club sans connaître les premiers, il nous contactait et puis on se fera un plaisir de rencontrer les gens qui sont concernés pour qu'ils puissent devenir membres. Oui, sauf que l'accès à ce club très sélect est limité à 1000 personnes. Ça a bien changé, regrette Francine, une habituée de la piscine Molitor, mais version ancienne et populaire. Les souvenirs de la piscine Molitor en tant que piscine, puisque j'étais au lycée La Fontaine et que c'était là qu'on allait. Ici, on est tout aussi dévêtus, mais ce n'est peut-être pas pour nager, c'est plutôt pour se faire voir. Donc j'ai très bons souvenirs, ou moins bons, mais les cabines, tout ça. Et j'ai été très contente de voir que c'était restauré dans les mêmes conditions. Maintenant, si ça change complètement d'approche et que ça devient sélect, c'est dommage, quoi. Francine aurait bien aimé se rappeler à ses bons souvenirs. Je m'étais dit, à la réouverture, j'irais bien quand même voir un petit peu, me rappeler le bon vieux temps, comme on dit. Des belles filles exhibent des costumes de bain devant un public et un jury qui s'intéressent plus au contenu qu'au contenant. Bah, n'en est pas question. Et il y a déjà dans le bois de Boulogne toutes sortes de clubs bien sélects et c'est dommage. Mais Francine pourra profiter du toit terrasse avec vue sur la Tour Eiffel. Le bar et le restaurant sont ouverts, eux, à tout le monde. Noémie Bonin, France Bleu 107.1 à Paris pour France Info. Et pour info, les chambres d'hôtel, il faut compter 215 € la nuit. Les travaux ont coûté 80 millions d'euros financés par le fonds d'investissement Colonie Capital. Et rappelons que la piscine Molitor est classée monument historique. Info Santé avec la MGEN, Mutuelle Santé et Prévoyance, protection sociale de 3,5 millions de Français. Ce matin, la Haute Autorité de Santé dévoile sa nouvelle politique de dépistage du cancer du sein. Un cancer qui, chaque année en France, touche environ 50 000 nouvelles femmes et provoque 11 000 décès. Et c'est le thème de notre rendez-vous santé avec Brigitte Fanny Cohen. Bonjour Brigitte. Bonjour Agnès. Qu'est-ce qui va changer fondamentalement? Eh bien aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé personnalise le dépistage en fonction des facteurs de risque. Actuellement en France, on propose aux femmes entre 50 et 74 ans une mammographie tous les 2 ans. En ne tenant compte finalement que d'un seul facteur de risque, leur âge. Et on offre également un suivi plus rapproché aux femmes jeunes qui ont un risque de cancer du sein d'origine génétique. Qu'est-ce qui va changer? Nous en parlons avec le professeur Jean-Luc Arousseau, qui est président de la HAS, la Haute Autorité de Santé. Bonjour. Bonjour. Alors dans son rapport, la HAS fait le ménage entre les facteurs de risque supposés et ceux qui sont avérés, mais elle écarte bizarrement certains comportements dont les études nous ont appris qu'ils étaient des facteurs de risque du cancer du sein. Par exemple, le tabac. Même l'INSERM a dénoncé récemment le tabagisme passif qui augmente de 10% le risque de cancer du sein. Pour ce qui concerne le tabac, il y a de nombreuses études et l'étude que vous citez qui montre une augmentation modeste du risque ne change pas l'évaluation que nous avons faite, à savoir que le tabagisme entraîne soit pas d'augmentation, soit une augmentation modeste du risque, ce qui ne justifie pas de modification de la stratégie actuelle du dépistage organisé. Donc les femmes qui ont fumé pendant même parfois plus de 20 ans ne doivent pas être dépistées particulièrement plus précocement? Alors écoutez, malheureusement, le tabagisme entraîne d'autres maladies, et en particulier d'autres cancers, donc il faut bien sûr demander à ces femmes d'arrêter de fumer. En revanche, il n'y a pas de nécessité de faire un dépistage plus précoce. Il faut qu'elles suivent la règle du dépistage systématique mammographie tous les 2 ans. Alors il y a un autre facteur de risque qui a été dénoncé par de nombreux chercheurs, le travail de nuit ou en horaire décalé. Alors dans certains pays, on considère même les cancers du sein des hôtesses de l'air ou des infirmières qui travaillent de nuit comme des cancers professionnels. Apparemment, la HAS n'est pas d'accord, donc il n'y aura pas de dépistage spécifique pour ces femmes qui travaillent de nuit. Écoutez, il y a en effet eu de nombreux travaux concernant l'exposition à la lumière pendant la nuit, concernant les personnels navigants. Nous ne nions pas l'existence d'une petite augmentation du risque de cancer du sein, mais cette augmentation n'est pas suffisante pour justifier un dépistage particulier. Donc on laisse aussi de côté les risques comme l'alcool, l'obésité, la sédentarité, l'âge tardif de la première grossesse, les traitements hormonaux de la ménopause qui augmentent un petit peu le risque de cancer du sein, donc pas de dépistage spécifique pour ces femmes-là. En effet, il y a eu de nombreuses littératures, notamment pour le traitement hormonal substitutif de la ménopause, et il y a certes une petite augmentation du risque, mais ça ne justifie pas un dépistage particulier. Alors finalement, qu'est-ce qui va changer dans le dépistage du cancer du sein? À qui allez-vous proposer un dépistage spécifique en fonction des facteurs de risque? Sur près de 70 facteurs que nous avons étudiés, nous en avons retenu 7 qui sont essentiellement des antécédents de cancer du sein, de tumeur du sein, des antécédents de radiothérapie sur la paroi thoracique, par exemple pour un cancer ganglionnaire, la maladie de Hodgkin chez une femme jeune, et puis certains antécédents familiaux qui sont gradés en fonction d'une échelle de risque. Alors pour ces situations, il y a effectivement une modification du dépistage qui concerne l'âge de dépistage qui peut être plus précoce. Donc par exemple, vers quel âge ces femmes-là vont se faire dépister? Si on prend une maladie de Hodgkin, une jeune femme qui a eu une maladie de Hodgkin et qui a eu une radiothérapie sur le thorax, l'HS recommande de commencer le dépistage 8 ans après la fin du traitement, au plus tôt à 20 ans par un examen clinique, au plus tôt à 30 ans par une IRM annuelle et une mammographie avec une seule incidence annuelle. Ces derniers mois, il y a eu de nombreuses polémiques concernant l'utilité du dépistage organisé du cancer du sein, autrement dit cette fameuse mammographie proposée tous les 2 ans à partir de 50 ans. Quelle est la position de la Haute Autorité de Santé sur cette polémique? Le dépistage peut être accusé de certains surdiagnostics, c'est-à-dire des diagnostics de cancer qui n'auraient pas évolué ou qui n'auraient pas modifié l'espérance de vie de la femme. Et puis d'autre part, on accuse le dépistage systématique d'induire certains cancers par la répétition excessive de mammographie. Alors pour autant, il faut insister encore sur le fait que la balance bénéfice-risque est positive, que le dépistage tel qu'il est pratiqué en France avec une mammographie tous les 2 ans entre 50 et 74 ans augmente l'espérance de vie de 20% et on estime qu'il sauve la vie de 150 à 300 femmes sur 100 000, ce qui est quand même un bénéfice considérable. Merci professeur Jean-Luc Arousseau, je rappelle que vous êtes le président de la Haute Autorité de Santé. Merci Brigitte Fadny-Cohen, une chronique à retrouver sur franceinfo.fr. C'était Info Santé avec la MGEN, Mutuelle Santé et Prévoyance, protection sociale de 3,5 millions de Français. Passez une très belle matinée sur France Info, il est 11h. Et tout tout de suite Claude Ménot pour le journal. Bonjour Claude. Bonjour. Dans l'actualité aujourd'hui, Jérôme Kerviel, désormais en prison à Nice. Après avoir passé la nuit au commissariat de Menton, l'ex-trader doit purger sa peine de 3 ans de prison pour avoir fait perdre près de 5 milliards d'euros à la Société Générale. La loi sur la famille revient à l'Assemblée. La proposition de loi sur l'autorité parentale et l'intérêt de l'enfant est examinée. Ce lundi, le texte prévoit surtout de nouveaux droits pour les beaux-parents. L'équipe de France de foot commence sa préparation pour la Coupe du Monde. Les Bleus se réunissent à partir d'aujourd'hui à Clairefontaine avec des joueurs qui arrivent au compte-gouttes. Mais on commence d'abord par Dominique Strauss-Kahn qui prépare sa contre-attaque. En fait, selon son avocat, elle déposera plainte pour diffamation d'ici quelques jours contre le film d'Abel Ferrara, Welcome to New York, inspiré de l'affaire du Sofitel, les explications de Sophie Parmentier. Maître Veil, l'avocat de Dominique Strauss-Kahn, vient d'annoncer ce dépôt de plainte pour diffamation car DSK est effrayé, écœuré par ce film d'Abel Ferrara. Ce sont les mots de Maître Veil qui reconnaît néanmoins que Dominique Strauss-Kahn n'a pas vu le film et qu'il ne le verra pas. Ce film, Welcome to New York, sorti en VOD sur Internet ce week-end, ce film inspiré de la vie du couple Dominique Strauss-Kahn-Anne Sinclair et qui relate notamment l'épisode du Sofitel en 2012. Ce film avec Gérard Depardieu est abominable pour Maître Veil du fait des accusations de viol à l'encontre de son client. Dans l'affaire DSK contre Nafissatou Diallo, DSK a été très vite mis hors de cause, martèle son avocat, qui parle d'accusations intolérables et même s'il y a un droit à la fiction, il revendique aujourd'hui le droit à l'oubli pour Dominique Strauss-Kahn. Jean Veil va donc déposer une plainte pour diffamation contre Abel Ferrara, mais il ne demandera pas l'interdiction du film. Jérôme Kerviel à nouveau en prison après avoir passé la nuit au commissariat de Menton. L'ex-trader a d'abord été amené ce matin au palais de justice de Nice, où on lui a donc signifié sa condamnation à 3 années de prison ferme pour avoir fait perdre près de 5 milliards d'euros à la Société Générale en 2008. Jérôme Kerviel qui a ensuite été transféré dans la prison niçoise. Jérôme Kerviel est innocent, c'est ce que pense Jean-Luc Mélenchon, qui fait partie du comité de soutien à l'ex-trader. Mais au sein du Front de Gauche, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste, était ce matin l'invité de France Info et selon lui, il a sa part de responsabilité dans cette affaire. Moi, je ne considère pas Jérôme Kerviel comme un héros. Il a été un rouage d'un système financier spéculatif que nous combattons de toutes nos forces. Mais évidemment, on ne peut pas, le système bancaire et la Société Générale ne peuvent pas être quittes. On condamne Jérôme Kerviel et on passe à autre chose. Donc vous en voulez aussi à la Société Générale, mais est-ce que vous pensez, comme Jean-Luc Mélenchon encore une fois, que Jérôme Kerviel est innocent? Non, je viens de le dire, il a prêté la main à ce système, donc il a sa part de responsabilité. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon là-dessus? Mais il n'a pas la première responsabilité. La première responsabilité, c'était celle d'un système qui a entraîné tout un tas de traders dans ce jeu spéculatif. Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste, ce matin invité de France Info. La loi sur la famille revient aujourd'hui à l'Assemblée. Le texte a en fait été vidé de ses sujets les plus polémiques, comme la procréation médicalement assistée. Il se concentre maintenant sur les problèmes pratiques des familles séparées ou recomposées. Une des principales mesures étant la création d'un statut pour les beaux-parents, avec pour eux de nouveaux droits, comme par exemple aller chercher l'enfant à l'école, signer son carnet de notes ou encore l'amener chez le médecin, si bien évidemment les deux parents sont d'accord. En France, 1 million d'enfants vivent dans des familles recomposées. Il était accusé d'avoir versé un produit nocif sur le matelas d'un couple de Rome dans le quartier de la Place de la République à Paris. Un homme d'une 40aine d'années a finalement été relaxé aujourd'hui par le tribunal correctionnel qui a estimé que la préméditation n'était pas constituée à la barre. Cet homme avait affirmé avoir déversé autour du matelas du couple un simple mélange d'eau de Javel et de savon noir qu'il utilisait pour nettoyer le trottoir en bas de chez lui. De son côté, le parquet avait requis 3 mois de prison avec sursis et 1 500 euros d'amende. À l'étranger, la Colombie en deuil. Un bus qui transportait des enfants a explosé et pris feu hier dans le nord du pays. 31 sont morts brûlés vifs, 24 ont été blessés et grièvement brûlés. La plupart sont d'ailleurs encore dans un état critique. Le car venait de quitter une église où les enfants avaient assisté à un service religieux et selon les premiers témoignages, le conducteur aurait manipulé un bidon d'essence à bord du véhicule. Conducteur qui, pour l'heure, a disparu. En Turquie, des étudiants occupent depuis 3 jours la faculté des mines de l'université technique d'Istanbul en réaction à la catastrophe minière de Soma qui a fait plus de 300 victimes et alors que la police a procédé hier aux premières arrestations des possibles responsables de cet accident à Istanbul. Les précisions de Jérôme Bastion. Au frontispice de la faculté des mines de l'université d'Istanbul, des banderoles annoncent que ces étudiants se soulèvent pour, je cite, « réclamer des comptes sur l'accident de la mine Soma ». Et sur le mur de la direction, 301 noms griffonnés au feutre, ce sont ceux des mineurs décédés dans l'accident de la semaine dernière, ainsi que de leur village d'origine. Voilà plus de trois jours maintenant que dure l'occupation de cette faculté. Elle avait été suivie par celle de l'université Mimar Sinan, également à Istanbul. Et bien que les étudiants aient obtenu gain de cause sur certaines de leurs revendications, elles semblent bien devoir se poursuivre. Car si deux des dirigeants de la mine Soma ont bien été radiés du conseil d'administration de cette faculté, les protestataires réclament également la démission d'un des enseignants vantant la douceur de la mort par asphyxie au monoxyde de carbone. Et ils veulent surtout la fin du système du travail intérimaire qui est selon eux l'une des causes de la catastrophe. Le gouvernement AKP est selon eux le principal responsable de ce système et il sera, je cite, « emporté par le scandale », promettent-ils. Istanbul, Jérôme Bastion, RFI pour France Info. En Corée du Sud, la présidente accepte aujourd'hui l'entière responsabilité du bilan du naufrage du ferry le mois dernier, en reconnaissant surtout que de nombreuses vies avaient été perdues du fait de l'incompétence des autorités. Déclaration faite d'ailleurs à la télé par la chef de l'État, les larmes aux yeux et en se prosternant à deux reprises, un geste de contrition. 302 personnes sont mortes ou disparues lorsque ce ferry a sombré le 16 avril au matin. La majorité des victimes, 280 étaient des lycéens en voyage scolaire originaires du même établissement au sud de Séoul. Les inondations dans les Balkans, le bilan est maintenant de 45 morts dans la région. La dernière victime a été découverte à Savac, une localité du nord de la Bosnie où la quasi-totalité des 26 000 habitants a été évacuée. Autre inquiétude, le secteur d'Obrenovac, une des villes serbes les plus touchées, où une centrale thermique qui produit 50% de l'électricité du pays est actuellement cernée par les eaux. L'équipe de France de foot commence sa préparation à la Coupe du Monde. Les Bleus se retrouvent à partir d'aujourd'hui à Clairefontaine. Parmi eux, Stéphane Ruffier, le gardien de Saint-Etienne, qui va finalement remplacer Steve Mandanda, blessé dans la liste des 23 pour le Brésil, Julien Bricot. À 27 jours du premier match des Bleus, seuls 8 joueurs sont attendus à Clairefontaine. Il s'agit des internationaux au repos depuis une semaine, Loris, Evra, Debuchy, Sako, ainsi que Mangala, Sissoko, Rémy et Schneiderlin. Comme les autres joueurs de Ligue 1, Stéphane Ruffier n'arrivera que mercredi, mais après le forfait de Steve Mandanda, Didier Deschamps doit trancher. Ruffier, qui ne compte qu'une seule sélection, en août 2010, sera-t-il le troisième gardien des Bleus? Le portier stéphanois, âgé de 27 ans, au caractère affirmé, ne risque-t-il pas de mettre Hugo Loris sous pression si on lui confie le rôle de doublure? Quant à Michael Landreau, 35 ans, qui n'a plus porté le maillot tricolore depuis 6 ans et demi, peut-il assurer le statut de numéro 2 derrière l'intouchable Loris? Le casse-tête du sélectionneur concerne également le programme adapté à chacun, puisque plusieurs joueurs reviennent de blessures comme Grenier, Rémy ou Cabaye, et que Benzema et Varane, eux, ne rejoindront Clairefontaine que le 28 mai, après la finale de la Ligue des Champions. La disparition d'une légende de la Formule 1, l'ancien pilote australien Jack Brabham, s'est éteint à l'âge de 88 ans, trois fois champion du monde, constructeur automobile. Il n'avait pas hésité à pousser à la main sa voiture pour terminer un Grand Prix en 1959 et remporter le titre. Jack Brabham est le seul aussi à avoir été couronné champion du monde de Formule 1 au volant d'une voiture conçue par ses soins. Il était enfin aussi le premier pilote anobli pour service rendu à la course automobile. Un petit mot du Festival de Cannes avec deux films en compétition ce lundi. Maps of the Stars du Canadien David Cronenberg, critique d'Hollywood, et The Foxcatcher de l'Américain Bennett Miller. C'est l'histoire vraie d'une relation entre un milliardaire excentrique et deux champions de lutte. Un petit mot encore de la Bourse de Paris. Elle est en baisse. Les valeurs françaises perdent actuellement 0,6% à 4427 points. Vous écoutez France Info. Il est 11h09. On retrouve Agnès Soubiran. Merci Claude. À 11h15, nous reviendrons sur la loi sur la famille, discutée à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée, mais tout de suite les prévisions de Jean-Michel Golinski de Météo France. France Info Météo, avec la MACSF, assureur mutualiste, propose une complémentaire santé individuelle et collective conçue avec des professionnels de la santé pour les professionnels de la santé. Un temps maussade autour de la Méditerranée, orageux cet après-midi près de l'océan. Ailleurs, l'ambiance sera quasi estivale avec du soleil, des températures élevées de l'ordre de 26 degrés sur le nord, le nord-est, le bassin parisien, le centre et le Limousin. En Midi-Pyrénées, le soleil va également briller, mais le temps de plus en plus fort va souffler vers 90 km à l'heure en rafale en fin de journée, notamment sur le Lauragais et le sud du Tarn. Il fera entre 23 et 25 degrés des Pyrénées aux rives de la Garonne. Sur la façade océanique, il va également vraiment faire chaud, jusqu'à 27 degrés cet après-midi à Bordeaux et à Cognac, 26 du Poitou à l'intérieur de la Bretagne et sur la basse Normandie, avec pour la fin de l'après-midi une menace orageuse pour toutes ces régions de l'ouest. Et dans le quart sud-est, les pluies qui remontent de Méditerranée touchent ce matin la Corse, le Languedoc et la Provence, avec du vent vers 70 km à l'heure et de l'orage sur les Alpes frontalières. Au fil des heures, ce temps perturbé va gagner vers l'Auvergne et Rhône-Alpes. Les températures ne dépasseront pas 22 degrés cet après-midi à Lyon et Ajaccio, 20 à Toulon et 18 sur Nîmes et Montpellier. L'Open de Nice Côte d'Azur jusqu'au 24 mai en direct sur France Info. Un rendez-vous sur terre battue devenu majeur dans le tennis international. Des joueurs d'exception sont attendus. Au programme notamment Milos Raonic, Gilles Simon, John Isner, Ernest Gulbis ou encore Vasek Pospisil. L'Open de Nice Côte d'Azur jusqu'au 24 mai en partenariat avec France Info. Plus d'informations sur franceinfo.fr. Dans tout et son contraire, Philippe Vandel reçoit aujourd'hui Kent, chanteur, mais aussi dessinateur. Kent, bonjour. Bonjour. Vous êtes chanteur, auteur pour vous-même et pour les autres. Vous avez par exemple composé la chanson d'Enzo Enzo, Juste quelqu'un de bien. Vous avez également écrit pour Calogero, Enrico Macias, Nolwenn Leroy, Johnny Hallyday. Les anciens punks, pardon pour ce pléonasme, vous connaissent comme leader du groupe punk Starshooter à la fin des années 70 à Lyon et ailleurs. Groupe qui s'est arrêté en 82 et vous avez commencé là une carrière solo avec notamment des titres comme J'aime un pays. Vous êtes également dessinateur, vous avez fait plusieurs albums de bande dessinée. Et là, vous avez toute une série de concerts à Paris. Vous appelez ça Small is Beautiful. C'est quoi l'idée ? L'idée, c'est d'aller jouer dans des lieux tenus par des passionnés de la musique, qui sont des petits lieux. Je peux vous interrompre ? Oui. Les autres lieux sont tenus par qui ? Par des gens qui aiment pas la musique ? Parfois, oui. Vraiment ? Oui, il y a des gens qui, enfin, dont c'est le métier, on va dire, et qui veulent avant tout gagner de l'argent et remplir la salle. Voilà. Donc c'est pour ça que les lieux sont grands et que les places sont chères, etc. Et après ça, à Paris et autour de Paris et en province aussi, évidemment, il y a des vrais passionnés qui accueillent des artistes sans compter. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent de se planter, en fait. Ils ont envie de vous faire passer. Et ils ont des programmations, souvent, ils prennent des risques. Souvent, c'est ces lieux-là où démarrent des gens qui vont devenir grands plus tard. Ouais. Et qui, après, les snobs et qui reviennent pas jouer dans ces mêmes lieux. En l'occurrence, ça sera quoi, alors, vos salles? Les salles, ce sera du 19 au 22 mai, je joue à la manufacture de la chanson. C'est un lieu où on apprend la chanson. 23 et 24 mai à la menuiserie. Oui. C'est à Pantin, c'est en banlieue. Pareil, ouais. J'imagine, c'est une petite salle. Oui, c'est une petite salle où on peut manger et voir des concerts dans d'une manière sympathique, quoi. Voilà, c'est ça change du ticket qu'on achète sur internet et puis que où on arrive on est debout dans une salle et à 22h30 pile on vous vire de la salle avec Manu Militari parce qu'il faut fermer les lieux. Voilà, c'est autre chose, quoi. C'est une autre manière de vivre et de se présenter, quoi. Il y aura ici Ivry, vous avez les dates en tête? Oui, Ivry, c'est le 6 juin au Forum Léo Ferré, le 7 au Haillan. C'est à côté de Bordeaux. Oui, c'est un festival à côté de Bordeaux. Et je joue aussi, et j'allais l'oublier, mais ça concerne quand même aussi les Français et des Allemands, à Berlin, au Corbeau, qui est un lieu d'une 120 places, un truc comme ça, où je me produis depuis 3 ans, tous les deux fois par an. Mais juste un mot, comment on fait pour gagner sa vie dans une salle de 120 places? Je ne fais pas que des salles de 120 personnes, je fais des théâtres aussi, je fais des festivals et tout ça. Je me permets de faire ces salles-là parce que à côté, j'ai une tournée dite officielle qui m'autorise à faire justement des choses comme ça, quoi. Votre 14e album est sorti l'an passé, il s'appelle Le Temps des âmes, c'est un album piano-voix qu'on va dire apaisé. Exemple, la première chanson du disque, elle s'appelle Ombre berlinoise. Je t'offre une ombre berlinoise en plein été continental, une longue blonde qui pavoise sur un Pégase à pédales. Je t'offre des rues nonchalantes, des rires dans les kindergarten, un mur qui me rend plébéante, une Europe unter den Linden. Et alors, pour moi, en 78, Kent, c'était ça. On refuse des putains de chaînes, leur musique de merde, bonne année dans ces éliminés. Les radios nous bassinent pour assurer leur salaire, j'en ai rien à foutre qu'ils crèvent. Get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, get back, comme on dit. Que s'est-il passé entre les deux photos? 35 ans. Est-ce que c'est toujours la même personne qui chante? Oui, c'est la même personne. Avec le même esprit? Le même esprit, oui, parfois. C'est des choses qu'il faut remettre dans leur actualité. Je chantais ça en 76, 77, parce que à cette époque-là, je crevais la dalle, j'étais aide-magasinier, j'avais un groupe de rock en province, on n'avait pas encore fait de disque, on voulait se faire connaître, et à la radio, pendant mon travail en tant qu'aide-magasinier, j'écoutais la radio et j'entendais les Beatles passer, qui étaient un groupe mort depuis 6 ans. Ouais. Et moi, ça me gonflait, donc il y avait de la colère là-dedans. Maintenant, ma colère, je m'en sers autrement. Kent avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Philippe Vandel, tout et son contraire à retrouver sur franceinfo.fr. Il est 11h15. Les titres de l'actualité, Claude Ménot. Retour à la casse-prison pour Jérôme Kerviel. 6 ans après un premier séjour en détention provisoire et après avoir passé la nuit au commissariat de Menton, l'ex-trader a été amené ce matin au palais de justice de Nice où un magistrat lui a signifié sa condamnation à 3 années de prison ferme pour avoir fait perdre près de 5 milliards d'euros à la Société Générale en 2008. Jérôme Kerviel a ensuite été incarcéré à la maison d'arrêt de Nice. Dominique Strauss-Kahn contre-attaque, il va déposer plainte pour diffamation d'ici quelques jours contre le film d'Abel Ferrara, Welcome to New York, inspiré de l'affaire du Sofitel. Anne Sinclair, l'ex-épouse de DSK, a déjà dit hier son dégoût pour ce film, tout en expliquant qu'elle ne se pourvoirait pas en justice, car selon sa formule, elle vomit la saleté, mais elle ne l'attaque pas. La loi sur la famille revient ce lundi à l'Assemblée. Le texte a été vidé de ses sujets les plus controversés, comme la procréation médicalement assistée. Il va se concentrer maintenant sur les problèmes pratiques des familles séparées ou recomposées, une des principales mesures étant la création d'un statut pour les beaux-parents. L'actualité à l'étranger marquée d'abord par ce drame en Colombie. Un bus qui transportait des enfants a explosé et pris feu hier dans le nord du pays. 31 enfants sont morts brûlés vifs, 24 ont été blessés ou grièvement brûlés. La plupart sont encore dans un état critique. Selon les derniers témoignages, le conducteur aurait manipulé un bidon d'essence à bord du véhicule. Conducteur qui pour l'heure a disparu. Simplifier la vie des familles recomposées, c'est le sens de la loi sur la famille discutée à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée. Le sujet s'annonce sensible, l'opposition a déposé des centaines d'amendements. Pourtant, la proposition de loi n'évoque ni la PMA, ni l'accès aux origines, mais elle se concentre sur la vie quotidienne des enfants de parents divorcés. Et nous allons voir ce qui pourrait changer concrètement. Nous sommes en ligne avec maître Stéphanie Travat-Lanois, avocate chez BWG Associés. Bonjour. Bonjour. Il y a d'abord un changement de terminologie. Fini la résidence principale chez la mère et le droit de visite et d'hébergement pour le père. L'enfant aura officiellement une double résidence, même s'il passe les 2/3 ou les 3/4 du temps chez le papa ou la maman. C'est un objectif d'égalité. L'idée, effectivement, est d'en finir avec la terminologie binaire qui consiste à, d'un côté, avoir la résidence alternée avec une pure égalité et de l'autre, la résidence chez l'un, à la plupart du temps chez la mère, et le droit de visite et d'hébergement de l'autre, qui laisse un peu l'idée que il y aurait un parent plus important que l'autre. Et là, l'idée, c'est effectivement que l'enfant ait sa résidence chez les deux, plus exactement des périodes de résidence qui peuvent varier selon les cas. Et d'ailleurs, cette double adresse pourrait figurer sur les papiers officiels, notamment la carte d'identité et les livrets scolaires. Alors, il y a également dans cette loi une médiation en cas de séparation difficile, médiation qui était jusqu'ici